mal fait mal voir rater. Quête pas la paille, nana dans son pied. Quand dans la tienne, nana et mon sous-bois piqué. Pour voir ton défaut, tu es les gêner. Mélange, mélange, mélange pas ton qualité. Avec deux mounes, les trop bons poutrés. Comme cochon dans la boue, tu les habitues roulées. Quand dans les blancs, mais le gueule est où. Tu réponds à autres et ça, tout ça ton affaire. Tu connais bien ça là, pas bon. Maladie la point guérison. Alors tous les jours il faut t'y faire le commerce. Voisin le jour la nuit, tu es les couveillés. Tu vas y aller jusqu'à quand, jusqu'à cabinet. Mais tu prends pas un bout de papier. Tu vas t'en aller au travail bouffé. Écoute, va vraiment guette à l'île de bruit. Assez fait mal, fait mal, fait mal, quoi va tuer. Guette pas la paille, nana dans son pied. Quand dans la tienne, nana et mon sous-bois piqué. Pour voir ton défaut, tu es les gêner. Ah, il fait frais dehors, ma fille, hein. Isabelle, il fait frais, il fait frais, oh, il fait frais. Oui, hein, c'est pas un temps à guetter son voisin, hein, comme dit la chanson. Passant, hein, moi, passant. Je te le dis, hein. Mais bienvenue quand même, bon, bon réveil, la Réunion. Il est 5h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Des recruteurs, des offres d'emploi et des jeunes motivés. C'était hier sur le champ de foire de Brapanon. Le site accueillait la 7e matinée de l'alternance de l'Est. 700 jeunes ont fait le déplacement. Reportage à suivre. C'est le prochain patron de l'aéroport Roland-Garros. Guillaume Branlat sera président du directoire à partir du 1er janvier prochain. À 42 ans, il souhaite augmenter le confort des usagers. Réaction dans ce journal. Elle a tué son concubin, mais parle de réflexe. Marie-Judy Olivier est jugée depuis hier aux assises. Un procès en appel. L'an dernier, elle avait été condamnée à 14 ans de réclusion. Verdict dans la journée. Et puis le sport scolaire était à l'honneur hier à Saint-Pierre. 500 élèves se sont retrouvés sur les plateaux sportifs Nelson Mandela pour découvrir la boxe, la danse ou les arts du cirque. On en parle à la fin de cette édition. Certains appellent ça un coup de pouce, d'autres une opportunité. 700 jeunes ont participé hier sur le champ de foire de Brapanon à la 7e matinée de l'alternance de l'Est. C'est la mission locale qui organise l'événement, toujours entre juin et novembre, le moment où les jeunes recherchent des contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Cette fois encore, plusieurs recruteurs étaient présents. Dans leur besace, 185 offres d'emploi. Face à eux, des jeunes motivés. Olivier de la Richaudie en a rencontré quelques-uns. C'est sur 2 ans, ça se passe à Sainte-Clotilde. Tu as des bus de la Chambre des métiers qui sont gratuits. À 19 ans, Mira se laisserait bien tenter par un CAP esthétique, une formation qu'elle ne pourra suivre que si elle obtient une promesse d'embauche. Il y a beaucoup de gens qui postulent, donc il y a une seule place et je ne sais pas si je serai prise, mais bon, j'essaierai. Des emplois rares mais aussi sélectifs, comme le rappelle Johan Waro. Pour ce restaurateur, bien que l'alternance soit un marchepied vers le monde de l'entreprise, il n'est pas toujours possible de recruter des novices. Le service en salle, c'est quelque chose qu'on peut apprendre plus facilement que d'être dans une cuisine. À la cuisine, il faudrait mieux avoir une bonne expérience. On est obligé, il y a beaucoup de règles à respecter en cuisine et ça passe par une bonne formation. L'alternance n'est donc pas réservée aux plus jeunes, elle s'adresse aussi aux personnes en reconversion professionnelle, même si sur le papier, ce profil de chercheur d'emploi n'est pas le plus favorisé. Joséphine Bardaille est la directrice du pôle emploi de Saint-Benoît. La prise en compte de l'alternance par un employeur, c'est que la prise en charge du salaire est différente pour un jeune et pour un plus de 26. C'est un salaire plein au lieu d'un pourcentage du salaire. Des réserves qui n'ont néanmoins pas lieu d'être dans certaines professions où une relève peine à se former. C'est le cas par exemple chez les poissonniers et les boulangers. Et la date limite pour la signature d'un contrat en alternance est fixée au 15 novembre. Lui a déjà un emploi et pas n'importe lequel. Guillaume Branlat, 42 ans, sera bientôt le nouveau patron de l'aéroport Roland-Garros à partir du 1er janvier prochain. Il remplacera Jean-Paul Noël à la tête du directoire et cela pour 5 ans. Guillaume Branlat veut renforcer l'attractivité de l'aéroport Roland-Garros et augmenter le confort des usagers. Conséquence, un plan stratégique 2017-2020 va être mis en place. Un nouveau challenge pour Guillaume Branlat. Le développement de l'aéroport est le projet de ma présidence. Le rôle du président directoire, en fait, c'est de diriger la société au quotidien, tout simplement. Ça fait 10 ans que je travaille sur l'aéroport, donc je connais l'aéroport. Ça fait 5 ans que je suis membre du directoire, donc déjà un des dirigeants de l'entreprise, pas le président, mais un des dirigeants. Donc le fonctionnement de l'entreprise, je le connais. J'ai vu effectivement en quoi ça consistait, et demain, donc, je serai le patron avec une expérience d'adjoint. L'action principale, c'est faire en sorte que l'aéroport fonctionne. Donc au quotidien, on n'a que des avions, au quotidien, on n'a que des passagers, les avions arrivent, repartent, il faut que tout fonctionne parfaitement, que les avions soient à l'heure, qu'il n'y ait pas de problème sur les pistes, sur l'aérogare. Voilà, c'est ça mon boulot au quotidien. Bien sûr, il y a le boulot de chef d'entreprise également. Donc l'entreprise, elle doit être rentable, voire profitable. Et le boulot de chef d'entreprise, c'est de faire en sorte que l'entreprise fonctionne également et gagne de l'argent. Guillaume Branlat, futur président du directoire de l'aéroport Roland-Garros, interrogé par Willy Thévenin. L'aéroport, le tourisme et bien sûr le volcan, l'éruption continue au piton de la Fournaise. Quatrième jour ce mercredi. Bonne nouvelle, le sentier du Nez Coupé de Sainte-Rose est de nouveau autorisé. Selon la préfecture, il n'y a plus de risque d'incendie sur les remparts de l'enclos. Et puisque l'on parle d'incendie, le feu a pris hier en début de soirée au Maïdo. Selon le quotidien de ce matin, les pompiers sont intervenus rapidement. De 3, on est passé à 7 engins sur site à 22h. 25 pompiers étaient sur place. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. A-t-elle vraiment voulu tuer son concubin ce 11 avril 2013 à Saint-Benoît, où Marie-Judy Olivier a-t-elle agi par réflexe, comme elle l'affirme? C'est tout l'enjeu de son procès en appel qui a démarré hier aux assises. Un procès pour meurtre. Hier, la jeune femme de 25 ans a de nouveau affirmé devant la cour que son coup de couteau est intervenu après des disputes incessantes. Pour son avocate, maître Marie Briot, c'est donc bien un dossier de violence conjugale. Le jour où ce drame est arrivé, tout son monde s'est écroulé. C'est franchement la dernière chose au monde qu'elle souhaitait, évidemment, puisque son rêve, c'était de donner à son enfant ce qu'elle n'a pas eu, c'est-à-dire un papa, une maman, une famille soudée. Elle a toujours dit, y compris les choses qui n'étaient pas favorables pour elle. Elle a toujours dit la vérité, que le couteau, elle l'a pris en bas. Elle a été extrêmement honnête depuis le début. Aujourd'hui, elle a raconté avec énormément d'émotions. Elle arrivait à peine à parler tellement elle pleurait, le déroulement des faits de cette journée-là. C'est un garçon qui avait sûrement d'énormes qualités, mais qui malheureusement buvait, qui malheureusement fumait du Zamal, et quand il était dans cet état-là, il ne se contrôlait plus. Pour moi, c'est un dossier de violence conjugale. Alors, ce n'est pas forcément le pire dossier de violence conjugale, mais c'est des violences qui sont latentes, qui sont toujours un peu là, parce qu'il y a ce fond d'alcool, parce qu'il y a ce Zamal, et cette peur des retombées de violence. Je pense que c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce drame. Maître Marie Briot, l'avocate de Marie-Judy Olivier, au micro-réunion première de Nadine Bachelot. Le verdict est attendu dans la journée. On reparle ce matin du coup de sang de Bernard Boyer sur le dernier tour de l'île cycliste. Il avait placé des barrières au milieu de la route en pleine étape. Plusieurs coureurs avaient été blessés. Lui affirme qu'il voulait protéger son fils qui se trouvait au sol. Eh bien, Bernard Boyer a été placé hier en garde à vue. Selon le GIR, il est poursuivi pour violence avec arme. 5h06 sur la première. La suite du journal, Florent Marot. Politique, Europe, Écologie, Les Verts ira seul à la présidentielle. Son alliance avec le PS est de l'histoire ancienne. Conséquence, le parti écologiste appelle les Réunionnais à participer à sa primaire pour désigner son candidat. Vous pourrez voter contre 5 euros et la signature d'une charte des valeurs. Voilà pour la présidentielle de mai prochain. Mais les Verts iront seuls également aux législatives de juin. Les précisions de Jean-Pierre Marchaud, leur secrétaire régional. Pour nous, la page de l'Alliance nationale, je précise bien que le Parti socialiste est tourné aujourd'hui. Donc là, il y a la volonté d'avoir partout des candidats dans toutes les circonscriptions, soit d'Europe Écologie, soit de la société civile dans laquelle le parti reconnaît des valeurs écolo qui nous donneront l'investiture. Et à La Réunion, nous souhaitons évidemment, et nous allons passer le mois d'octobre à chercher les candidats, enfin à trier les candidatures, nous souhaitons proposer 7 candidats sur les 7 circonscriptions. Vous-même, vous serez candidat? Je serai candidat à la candidature, disons, voilà. Jean-Pierre Marchaud, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, interrogé par Gaël Le Dantec. Tous les Réunionnais de plus de 16 ans peuvent participer à la primaire. Il faut s'inscrire avant le 1er octobre sur le site internet du parti. Nicolas Sarkozy a réagi au soutien de Didier Robert. Le président de région avait en effet décidé de donner sa voix à François Fillon dans un premier temps, avant de changer d'avis. Pour Nicolas Sarkozy, Didier Robert est, je cite, « un homme compétent et loyal ». On passe au sport, et plus précisément au sport scolaire, avec cette initiative du collège de Terre-Sainte. Plus de 500 élèves étaient hier sur les plateaux sportifs Nelson Mandela à Saint-Pierre pour découvrir de nouvelles disciplines. Cela fait 5 ans que la manifestation existe. Une journée découverte durant laquelle le foot et le basket ont partagé la vedette avec l'escalade, la danse ou les arts du cirque. Ce n'est pas commun, mais ça a plu aux marmailles. L'escalade, la boxe, badminton, le foot, basket, c'était bien. On a bien amusé, on va connaître des autres activités, pour en profiter. Le badminton, avant, je ne savais pas et maintenant, je le sais. Comme ça, peut-être, je pourrais faire des sports que j'ai bien aimés aujourd'hui et les reproduire plus tard. Par exemple, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Le badminton. L'escalade. Je trouvais bien, en fait. J'aime bien monter parce qu'après, ça me fait un petit peu mal aux mains et j'aime bien ça. J'aimais bien le badminton aussi. Des réactions recueillies par Pierre Comorassami. Et pour parler du sport scolaire, Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Thierry Grimaud, le délégué départemental de l'UCEP, Union Sportive des Écoles Primaires, est aujourd'hui l'invité de la matinale. Au menu, la journée nationale du sport scolaire ou encore le soutien à la candidature de Paris 2024. Rendez-vous à 7h15. En attendant, place à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info ce matin, Aurélien Tirard. Israël tremble pour la vie du Nobel de la paix et ancien président Shimon Peres, hospitalisé d'urgence cette nuit en soins intensifs, victime d'un AVC à l'âge de 93 ans. Ses médecins indiquent qu'il se trouve dans un état grave mais stable. Depuis hier soir, les messages affluent de partout dans la classe politique israélienne. Shimon Peres est le dernier des pères fondateurs de l'État d'Israël encore en vie et l'un des artisans des accords d'Oslo en 1993, synonyme d'espoir entre Palestiniens et Israël. Hillary Clinton va reprendre sa campagne électorale demain jeudi, après 4 jours de repos en raison de sa pneumonie et après un malaise lors des commémorations des attentats du World Trade Center à New York. La candidate démocrate se repose chez elle près de New York. Fin de l'alerte orange aux orages violents sur la façade atlantique pour 9 départements, alors que 80 000 foyers sont toujours privés de courant cette nuit, du Pays Basque aux Charentes. Un nombre d'entre eux devraient pouvoir retrouver l'électricité, au dire d'Enedis, ex-ERDF. Attention, le premier épisode de Cévenol est attendu ce mercredi. Météo France annonce des cumuls de pluie, compris entre 80 et 150 mm dans le Gard, en Lozère, dans l'Hérault et dans l'Aveyron. Ces 4 départements restent en alerte orange aux inondations. Le dossier Alstom entre les mains du gouvernement qui veut convaincre le groupe de ne pas fermer son site historique à Belfort comme ce dernier en a l'intention. Tout sera fait, a martelé François Hollande ce mardi lors d'un déplacement en Roumanie, alors que les salariés Belfortin viennent de recevoir un courrier de la direction où il est écrit que la fermeture est inévitable. Un courrier qui aurait été envoyé avant les négociations avec le gouvernement. Une grande manifestation doit avoir lieu dans les rues de Belfort ce jeudi. Les infirmiers appelés à faire grève ce mercredi par leur principal syndicat pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail à l'hôpital. Ce syndicat met en cause le suicide de 5 infirmiers cet été. La coordination nationale infirmière dénonce le silence, je cite, médiatique de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Ce syndicat réclame des actions urgentes. Que s'est-il passé à Marseille où un marin a trouvé la mort et 4 autres gravement blessés? Tous se trouvaient sur un canot de sauvetage de l'Harmony of the Seas, le plus gros paquebot du monde, lors d'un exercice de sécurité. Le canot a chuté de 10 mètres avec 5 personnes à son bord. Une enquête est en cours pour savoir comment le câble ou l'accroche ont pu se rompre. Ça ne commence pas très bien pour le PSG en Ligue des champions de football. Les Parisiens tenus en échec par Arsenal pour le premier match de poule de la compétition. Score final 1-1 au Parc des Princes. Une 4e médaille d'or pour la France aux Jeux Paralympiques de Rio grâce au pongiste Fabien Lamiro qui a battu un Polonais en finale. Elodie Laurendi, elle rapporte de son côté une nouvelle médaille de bronze en 100 mètres nage libre catégorie S10. On s'étire, 5h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Enfin, faudra s'étirer plus d'une fois puisqu'il fait frais ce matin. Oui, il faudra surtout avoir beaucoup de courage pour sortir de la couette. Si vous êtes encore dans le lit et que vous nous écoutez en ce moment, pour ceux qui sont déjà au petit-déj, voire sur la route, eh bien, il va falloir faire avec des températures bien fraîches ce matin. Donc, prenez votre petite veste, votre pull ou votre doudoune si vous habitez les hauteurs de l'île. Le vent de sud-est s'est bien installé et nous ramène donc de la fraîcheur venue du pôle sud. Au lever du jour, on retrouve un temps passé légèrement nuageux tout de même sur les régions allant de Saint-Joseph à Sainte-Rose. Ailleurs, le ciel est dégagé. Les éclaircies vont reprendre possession du ciel une bonne partie de la matinée, ce qui va nous ramener du soleil et donc un réchauffement des températures. Et puis dans le courant de la matinée, on va voir s'installer quand même les premiers nuages sur les hauteurs de l'île, hauteurs du nord, du nord-ouest, la plaine des palmistes et Salazie. On aura quand même un temps bien gris cet après-midi sur cette partie de l'île. Et puis les éclaircies seront majoritaires par contre sur le littoral, ça c'est la bonne nouvelle, sauf peut-être entre La Possession et Sainte-Marie où on verra temporairement passer quelques nuages. Le vent de sud-est va bien s'installer, vent de sud même sur les plages, puisqu'il va remonter jusqu'à la pointe au sel, jusqu'à Saint-Leu, vent qui sera bien soutenu à Saint-Pierre et vers Sainte-Rose et Sainte-Marie avec 65 à 70 km/h. Au volcan aussi, ça va souffler, mais enfin, pour le coup, du coup, le soleil sera aussi de la partie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui veulent voir la fameuse éruption. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Grand matin avec Isabelle Waron et Mickaël Laurette. C'est nous. On est de retour. Eh oui. Mercredi 14 septembre et voilà, on est là encore avec vous malgré la fatigue, malgré que le matin c'est difficile de se lever, mais comme vous c'est pareil. Eh ben on a décidé de vous accompagner jusqu'à 8h. Et vous attend notamment par SMS 06 92 70 2000. Envoyez votre petit texto. Un petit message pour nous dire un petit peu comment ça va ce matin. Est-ce qu'il fait bien frais? Est-ce que peut-être la pluie tombe? Comment ça va? Vous n'hésitez pas, le SMS, le 70 2000. Sinon, il y a le 99 2000, un numéro de téléphone qui sera vraiment, vraiment nécessaire pour jouer avec nous et repartir avec des cadeaux. On a des invitations pour aller au cinéma. On a des invitations, des places pour ce grand concert Enfants Illois au mois d'octobre. Tout ça, c'est rien que pour vous avant 8h, c'est promis. Ouais, même avant 6h. Avant 6h pour les places de concert. Ça va démarrer bonheur. Ça va être bien quand même. Prisca ne pourra pas gagner ses places de concert, forcément pour l'Indigo. Mais je pense qu'elle y sera le 7 octobre, comme beaucoup de monde à la Réunion. Bonjour Prisca. Salut Prisca. Bonjour. Oui, comme vous. Les Enfants Illois, à pas rater. Allez, je peux pas jouer. Par contre, je peux vous donner un conseil. Du matin. Allez, envoyez. Bon, pour vous réveiller dans de bonnes conditions, il faut pas penser, en fait. Ah bah oui. Vous vous souvenez, l'autre Nietzsche, il a dit, souviens-toi d'oublier. Ah, voilà. Souviens-toi donc d'oublier. Voilà. Sinon, quand vous vous levez comme alors, ça le c'est, matin, c'est le retour. Sinon, c'est le retour de Priscus. C'est le retour de Priscus. Tom Cruise, dans un de ses films, il a dit, pas penser. Exact. C'est plus simple. Il a copié sur Priscus et Nietzsche, en fait. Voilà, c'est ça. D'abord, c'est pas cassé la tête. D'abord Nietzsche, quand même, Priscus. Ensuite, Priscus a pompé sur Nietzsche. Mais c'est pas grave. Il n'est pas là, Nietzsche. C'est vrai. Donc maintenant, Priscus a repris le brevet. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'on a de la chance, dis donc. Merci, Priscus. C'est la note philosophique du matin. Chaque matin, maintenant, Priscus va nous envoyer un bon conseil. Un le bon conseil du matin. La pensée du jour. Alors, l'union fait la force, l'union fait la sauce. Rappelez-vous aussi ce conseil de Priscus. Voilà. Merci, Priscus, à tout à l'heure. Allez, tout à l'heure, sur Marché Chaudron. Les bons. À 6h, moins le quart. À tout de suite. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Réunion Première, c'est la radio pays. Bonjour la Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. C'est ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la radio pays. Première. première. C'est pas de la philo, mais presque. Oh, quoique. En tout cas, c'est de la poésie, ça, c'est sûr. Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour et excellent mercredi, excellente journée tout court. Nous sommes le 14 septembre. Ce sont les Cypriens qui sont à l'honneur. Excellente fête, messieurs. Je sais que vous attendez avec beaucoup d'impatience de savoir ce qui va se passer pour vous dans cette journée. Voici les prévisions astrales de la première. Bélier, vous pensez qu'il faut être le meilleur en tout et partout, et surtout que cela se sache. Taureau, ne prenez pas la mouche, vous frisez la paranoïa. Gémeaux, en solo, un coup de foudre est possible. Cancer, vous allez enfoncer le clou en promettant des lendemains qui chantent. Lion, vous vous occupez de vous, uniquement de vous, et il était temps. Vierge, détendez-vous et essayez de vous laisser faire un peu plus. Balance, vous déléguez volontiers aux subalternes des tâches qui vous paraissent ingrates. Scorpion, vous serez entouré de beauté et de perfection aujourd'hui et vous appréciez fortement. Sagittaire, l'ambition sera votre moteur au travail comme dans votre vie privée. Capricorne, vos silences sont-ils boudeurs ou vengeurs? Verseau, culture, langue, contact, vous vous nourrissez. Poisson, termine par vous, votre nature généreuse sera tempérée par des considérations financières. Je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. J'ai l'impression qu'elle nous fait un clin d'œil. Merci Juliette. À la fin, comme ça. Coquine. Juliette, on part à Toulouse. Hier, c'était le tiercé écarté, quintet plus. Oui. C'est moins coquin. Et elle est arrivée, forcément. Et oui, il fallait jouer le 3, le 2, l'As, le 11 et le 12 pour gagner. 3, 2, As, 11, 12. Numéro plus gagnant 08, 74 pour le quintet d'hier. Et puis aujourd'hui, on va à Lyon-d'Angers. Exactement, pour le prix handicap du Lyon-d'Angers. Il y aura 15 partants, 3000 mètres à parcourir, 5 150 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics du fouineur, du gire partenaire Réunion Première qui vous conseille le 3, l'As, le 12, le 6, le 5, le 8, le 10 et le 11. 3, As, 12, 6, 5, 8, 10, 11. Et ce qui ne change pas, c'est qu'il ne faut pas oublier, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. Il nous a quittés il y a 7 ans. Mais pour les femmes, cela restera le beau gosse de Dirty Dancing ou de Ghost. Baby. Patrick Swayze. Swayze. Swayze. Swayze. À l'honneur aujourd'hui, dans Grand Matin. A tout de suite. Allons pêcher. Mets ton bédel sur ton dos. Oublie pas bouteille de l'eau. Nous n'a la journée frérot. Emmène ça faire pour manger. Nous s'essouffler là-haut. Riscaf aujourd'hui ça fait chaud. Rappe ton golette frérot. Allons pêcher. Mets ton bédel sur ton dos. Oublie pas bouteille de l'eau. Nous n'a la journée frérot. Emmène ça faire pour manger. Nous s'essouffler là-haut. Riscaf aujourd'hui ça fait chaud. Prends ton migazouille. Laisse ça ouvrir assez doucement et cool. Ça ouvrir assez doucement et cool. La brise y chatouille donne coup. L'air marin y mouille n'a point un mauvais goût. L'air marin y mouille n'a point un mauvais goût. Prends ton migazouille. Laisse ça ouvrir assez doucement et cool. Laisse ça ouvrir assez doucement et cool. La brise y chatouille d'un coup. L'air marin y mouille n'a point un mauvais coup. Médiao. En sirop, son reflet fait à moitié d'eau. Cigale n'a plein de ticabo. Toi tu droges en sœur disco. Mets ton chapeau frérot. T'as qu'un coup de bambou. Soleil qu'on y a marteau. Ça y donne mal d'un coco. La mer l'est en sirop. Son reflet fait à moitié d'eau. Cigale n'a plein de ticabo. Toi tu droges en sœur disco. Mets ton chapeau frérot. T'as qu'un coup de bambou. Soleil qu'on y a marteau, ça y donne mal, donne coco. Ils trouvent que les gaillards assis côté ou même si nous cossent pas. Assis côté ou même si nous cossent pas. M'y souviens le dernière fois, moi t'appelle à ou encore dada. Moi t'appelle à ou encore dada. M'y trouvent que les gaillards assis côté ou même si nous cossent pas. Assis côté ou même si nous cossent pas. que les gaillards assises côté woman si nous cause pas. Bon réveil avec nous la Réunion, c'était Mazok avec Frérot sur la première. Merci Mickaël, ça rappelle de mettre souvenirs. Ça pour moi. Je sais. C'est rien que pour vous et rien que pour toutes les femmes qui ont vu ce film. Enfin, il n'y a pas que des femmes qui l'ont vu. Hein. Ah oui. Dirty Dancing avec Patrick Swayze. Mm-hmm. Patrick Swayze qui a été le beau gosse des années 80-90. Ah oui, il faut le dire. Oui, au cinéma. Il faut le dire. Patrick Swayze, qu'on a connu avec ce film, Dirty Dancing. Eh oui, c'était en 1987. On se souvient bien évidemment de la bande originale du film. Il y avait Time of My Life, il y avait aussi She's Like the Wind. Pour la petite histoire, alors il jouait dans ce film le Johnny, le professeur de danse. Il y avait la Jennifer Grey, bébé à la fin, avec cette réplique, on laisse pas bébé sur le côté, on va faire comme ça. Il faut savoir que dans le film, ils sont amoureux, les scènes de danse sont extraordinaires. En vrai de vrai, ils s'entendaient pas du c'est tout. C'est ça. Alors, c'était super compliqué. Ils ont du mal à faire le film ensemble. Engueulés, hein. Je crois que c'est Patrick Swayze qui a forcé pratiquement Jennifer Grey. Elle voulait pas, alors sachant qu'après le film, elle a plus voulu danser, elle a pas trouvé sa prestation extraordinaire, tout ça. Sauf qu'à la fin du film, il s'est quand même passé quelque chose entre eux, ils sont devenus super copains. Et même à la fin de la vie de Patrick Swayze, eh bien, il a pu compter sur le soutien de Jennifer Grey qui était à ses côtés. Patrick Swayze qui n'a jamais failli faire le film, puisque c'est Billy Zane qui était pressenti à la base. Alors Billy Zane, c'est le vilain fiancé là dans Titanic. Le vilain fiancé de Kate Winslet dans Titanic. Pas vilain, mais pas sympa. Bon, pas celui pas sympa. Bah, on est d'accord, pas sympa. C'est lui qui devait le faire et finalement c'est Patrick Swayze qui a été choisi au casting. Hein, comme quoi, ça peut parfois changer. Mais dans à peu près toutes affaires, ça a été comme ça pour Patrick Swayze. Hein. À chaque fois qu'il a fait un film, mais c'était toujours sur le fil et il y avait toujours d'autres acteurs qui devaient faire le film. Ben là, il refuse, il prend Ali et c'est le carton. C'était pareil dans Ghost. Et ben c'était exactement la même chose dans Ghost pour le rôle de Sam Witt. Et bien au départ, il devait y avoir Tom Cruise, la star moment, donc dans les années 90. Il a passé le casting, ça n'a pas marché, Tom Cruise ne le sentait pas non plus. Du coup, c'est Harrison Ford qui a pris le relais. Il a passé le casting, c'était plutôt pas mal. La production s'est dit, ouais, bon, on va prendre Harrison Ford. Et puis, il y avait ce petit mec Patrick Swayze, qui sort de Dirty Dancing. C'est un peu la galère, il enchaînait 2-3 navets. Et il vient faire quand même un casting, c'est celui de la dernière chance pour lui. Il était vraiment dans la galère. Il décide de passer le casting et là, il bluffe absolument tout le monde et il a le rôle de Sam Witt, donc dans Ghost. Il faut savoir que pour Demi Moore, eh bien c'est le film qui va la révéler. Puisque à l'époque, elle aussi, c'était compliqué. Il y a Nicole Kidman qui était sur le coup pour jouer donc, à la place de Demi Moore. Et Madonna aussi avait passé le casting. Mais alors là, elle a fait juste un petit tour, mais elle n'a même c'est pas ça. Prend à elle. Un petit tour de manège, et puis c'est et puis fini. S'en va. Manège un tour, parti, comme on dit en créole. Bon, en tout cas, Dirty Dancing, ça a fait 365 000 entrées, donc pas grand-chose. Pas grand-chose, hein. On pourrait penser que c'était plus, mais en France, ça ne fait que plus de 300 000 entrées. C'était même derrière en 87, même derrière Emmanuel V. Imaginez. Oui, mais pour ceux qui ont connu la saga Emmanuel V, qui a mieux marché. Voilà. Et par contre, Ghost, c'était 3 millions d'entrées en France. Oui. Donc c'est quand même 10 fois plus pour Patrick Swayze. Et Ghost, c'était ça aussi. Bah oui. La fameuse scène où ils font de la poterie ensemble. Et il faut savoir qu'après la sortie de ce film, des milliers de Californiennes se sont inscrites à des cours de poterie. Mais bon, pas sûr qu'elles aient trouvé un Sam Witt. Ah oui, c'est pas tout à fait pareil. Alors la musique avait été composée par Maurice Jarre. Maurice Jarre qui est Jarre. Le paternel de Jean-Michel. Effectivement, qui était la French Touch du Cinoche. US dans les années 60 à 90. Il a fait Laurence d'Arabie, Les Damnés, Soleil Rouge, Gorille dans la Brume. C'est tout lui. Hein. 3 Oscars, 4 Golden Globes, 1 Ours d'Or. On vous épargne le 7 d'Or et les autres hommages. Maurice Jarre, c'était vraiment la pointure musicale du cinéma à l'époque. Et Unchained Melody. Unchained Melody qui a été repris nombreuses fois. Et avec 4 artistes différents, ce titre a fait la prouesse de s'être classé en 4 fois en tête. Il faut dire que des charts, c'est énorme. C'est une belle chanson. Quand tu as envie de parler d'amour, tu passes un moment donné, forcément ça. On parle forcément de ce morceau. En tout cas, Ghost, on s'en rappellera de toute façon. C'est un film qui a marqué. Alors, on s'en rappellera certainement moins, par contre, de la série. Ah, c'est pas vrai. Non, alors, moi, je dans suis laquelle pas d'accord. A joué Patrick Swayze. C'est mon petit coup de cœur, si vous le permettez. Alors, le coup de cœur, Lisa. Écoutez bien. Voilà. C'était bien, oui. Magnifique. C'est la bande originale que Isa kiffe. Hein, ah oui, voilà. C'était la série Le Nord et le Sud. Magnifique. Aïe, aïe, aïe. Il jouait Patrick Swayze, Ori Maine dans le film, dans cette série, 1987 jusqu'à 1994, un carton. Produit par Paul Freeman. Voilà. Bon, il n'a pas eu la même vie que Morgan Freeman. Hein, c'est certain. Oh. C'est certain, le pauvre. Laisse-moi rêver un peu. Nord et Sud. Bah oui, le Nord et le Sud. Allez, 5h27 dans toute la région. Bon réveil à tous. Le Nord et le Sud. Ah, magnifique. Quelle série. Ça s'appelait pas l'Est-Ouest, c'est Allez. Bizarre. We're all grown up. Hey, rich girls. What can you tell me? Why? You're so stuck up. And that's so down. I tell you everything I know. Any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. You got to know. Tender. We're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's so down? I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. Your house last weekend. You was like, come on man, you have to point out everything that's bad. So there's a broken mirror on my bed. Ça met de bonne humeur. Hein. Ah, surtout quand t'as une voix comme ça dans ton oreille, comme c'est ça le matin. Elle te berce comme ça. Salut. C'est doux. À Élysée de la Plaine et Palmiste, il fait 4 degrés. Là aussi, il fait doux. Doux, voire doux. Ça pique. Ça pique plus. Je ne peux même plus le dire qu'il fait doux. La Plaine des Palmistes. Bon courage, Élysée. Eh oui, 5h30 sur la première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Michael, bonjour à tous. Il avait tué une femme qui traversait la rue à Saint-Joseph. Le conducteur de la voiture a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé puisqu'il avait bu lors de l'accident. Il a été libéré sous contrôle judiciaire. On y revient avec Antoine Garnier. Des employeurs d'un côté, des candidats à l'alternance de l'autre. Rencontre et job dating organisé hier sur le champ de foire de Bras-Panon. C'est en ce moment que sont signés les contrats en vue des formations. Arrêtons de jeter la nourriture opérationnelle dans certains restaurants la semaine prochaine à l'occasion de la fête de la gastronomie. Et puis survoler la lave du volcan, ça coûte cher, mais vous êtes nombreux à vous laisser séduire. On en parle à la fin de ce journal. Aux assises, Marie-Olivier doit à nouveau expliquer ce qui l'a poussée à tuer d'un coup de couteau son concubin Rudy Blard en 2011. Elle a fait appel du premier jugement. Le soir du drame, la jeune femme ne voulait pas que la victime sorte avec ses amis. Pour se défendre, elle a toujours affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer le père de son enfant. Mais ce n'est pas une version à laquelle croit la partie civile. Maître Patrice Sely. Un sentiment de déjà-vu, puisque l'année dernière, lors du premier procès, Madame Olivier avait déjà tenté de se faire passer pour une victime, pour une femme battue, alors qu'en réalité, la véritable victime dans ce dossier, c'est bien Rudy, qui n'est plus là aujourd'hui, parce qu'elle l'a poignardé, parce qu'elle l'a tué. Moi, je veux bien, effectivement, que Rudy ne soit pas le garçon travailleur, comme on pourrait voir dans le dossier, mais ça ne justifie à aucun moment le coup mortel qui a été porté par Madame Olivier à Rudy. Vous pensez que l'intention criminelle était là ? Elle est évidente. Elle ressort de plusieurs éléments dans son dossier. Le fait qu'elle prenne le couteau dans la cuisine alors que lui se trouve à l'étage de l'appartement, la force avec laquelle le coup de couteau a été été donné, un coup de couteau mortel qui était fatal à Rudy. Et puis tout le contexte qu'il y a dans ce dossier au moment du passage à l'acte démontre parfaitement qu'il y a eu une intention de tuer de la part de Madame Olivier. Maître Patrice Sellier, avocat de la partie civile dans cette affaire, il répondait à Nadine Bachelot. Les plaidoiries vont débuter ce matin, le verdict est attendu dans la journée. Justice toujours avec cette autre affaire. Après 36 heures de garde à vue, le conducteur de la voiture qui a tué une piétonne dimanche soir à Saint-Joseph a été présenté hier au palais de justice à Saint-Pierre. Au moment de l'accident, il présentait un taux d'alcoolémie au-dessus d'un gramme par litre de sang. Il était mis en examen pour homicide involontaire aggravé, puis libéré sous contrôle judiciaire, alors que ce n'était pas la première fois qu'il était contrôlé positif au volant, Antoine Garnier. Cette décision du juge des libertés et de la détention est sans doute difficile à comprendre pour les proches de la victime. D'autant que le mis en examen avait déjà fait l'objet d'une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais c'était il y a plusieurs années, impossible donc de retenir la récidive. Le juge des libertés et de la détention n'a d'ailleurs fait que suivre l'avis du parquet qui n'avait pas demandé à ce que ce jeune homme de 29 ans soit placé en détention provisoire. En garde à vue chez les gendarmes, puis ce mardi matin dans le cabinet du juge d'instruction, il a livré la même version, il n'a pas vu la victime. Cette femme d'une cinquantaine d'années traversait la rue Marius et Harry Leblon vers 19h30 dimanche soir quand la voiture l'a mortellement fauchée. Selon le conducteur, et ses déclarations correspondent à celles des témoins interrogés par les enquêteurs, la rue était plongée dans l'obscurité au moment du drame. Antoine Garnier, le prévenu, sera jugé pour homicide involontaire aggravé du fait de son alcoolémie lorsque l'instruction du dossier sera bouclée. Et puis Bernard Boyer, poursuivi pour violence avec arme, en l'occurrence des barrières de sécurité. Information de nos confrères du Journal de Lille, le père du cycliste Jonathan Boyer a été placé en garde à vue hier. Il a dû s'expliquer sur son geste lors de la première journée du Tour de Lille cycliste. Il avait lancé des barrières sur la route devant deux coureurs qui étaient en plein sprint. L'un d'eux a eu la clavicule cassée. C'est souvent un casse-tête pour les apprentis et les candidats à l'alternance. Trouver une entreprise pour les accueillir le temps de leur formation, c'est en ce moment la chasse aux contrats. Et pour satisfaire employeurs et candidats, la mission locale de l'Est les a réunis hier dans un même endroit. Le rendez-vous était pris sur le champ de foire de Brapanon. 185 emplois étaient à prendre au cours d'un grand job dating. Parmi les patrons présents, il y avait Patrick Latchimi. Il était à la recherche d'un nouvel apprenti pour son salon de coiffure, mais il a aussi participé à l'événement d'une manière un peu originale. Il a proposé aux candidats au job dating une petite coupe pour être au top face aux employeurs. Là, c'était pour le job dating, avant de savoir vers un patron, être bien présentable, passer un moyen, aider les autres un peu aussi. Et après, par la même occasion, les jeunes étaient intéressés par la coiffure, donc ils ont fait un échange directement avec nous pour expliquer aux autres un peu la démarche à suivre pour aller en apprentissage. Nous, on a donné aux autres bien des définitions dessus que le métier n'est pas facile tous les jours. Le vendredi, samedi, en début de mois, les autres savent aller entre 50 à 60 têtes par coiffure. Là. Donc les coiffeurs, il faut aller en permanence, concentrer. Les gens y rentrent, les gens ne connaissent pas si c'est un travail depuis le matin. Le client il arrive à midi, il faut le coiffeur, il est toujours souriant. Patrick Latchimi, coiffeur, interrogé par Olivier Delarichaudy. 5h35 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Isabelle, est-ce que vous finissez votre assiette quand vous êtes au restaurant? Oui, madame. Pensez-vous au doggy bag sinon? Ah, pas besoin. Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez emmener le reste de votre repas. Si ça vous arrive de ne pas finir votre assiette, c'est la loi. Les restaurateurs ne peuvent pas vous le refuser. C'est une façon de lutter contre le gaspillage alimentaire, bien sûr. Et pour donner une impulsion à cette nouvelle façon de consommer, l'association Jette Plus interviendra dans certains restos. Et ce, dès la semaine prochaine, à l'occasion de la semaine de la gastronomie. Johan Adama Torassi. 1 600 000 tonnes, le poids des denrées alimentaires gâchées dans les restaurants en France chaque année selon l'ADEME. C'est fort de ce constat que l'association Jette Plus a décidé de lancer une opération de lutte contre le gaspillage la semaine prochaine. Philippe Costi est le président de l'association. Les professionnels, par leurs soins, vont remettre sous conditionnement les restes alimentaires que les clients n'auraient peut-être pas consommés et les redonner aux convives. Pour faciliter le geste, l'association s'occupe même des emballages. Donc il y a un pack, c'est-à-dire une petite barquette avec un sachet au logo de nos partenaires et de notre association bien entendu, qui sera distribué réservée aux professionnels pendant cette semaine de la gastronomie. Seuls 3 restaurants participent à cette opération inédite, mais Renaud Gillard, le président du club de la restauration de La Réunion, espère bien mobiliser d'autres restaurateurs dans le temps. On va être les 3 restaurants pilotes, mais je pense qu'après nos adhérents, qui comptent 160 restaurants, 15 hôtels, des boîtes de nuit, vont commencer à prendre le pas. Et je pense que l'année prochaine, ce sera plus d'ampleur. Et vous savez, c'est qu'on a toujours besoin de montrer un petit peu, entre guillemets, l'exemple pour que les collègues s'initient dans ce projet, mais j'ai confiance en eux. À terme, d'autres actions vont être menées, notamment dans les grandes surfaces qui accusent, elles aussi, des pertes considérables. Joanne Damadorassi, le doggy bag, c'est pour le chien, comme son nom l'indique, mais bien sûr, si les restes sont bien emballés, vous pouvez les finir à la maison. Si vous avez comme un bourdonnement dans les oreilles, pas la peine de consulter, vous entendez peut-être les hélicoptères qui survolent La Réunion. Avec l'éruption du volcan, les compagnies sont prises d'assaut. C'est une sortie très coûteuse, mais visiblement, ça ne freine pas les amateurs. Qui se paye le survol du volcan pour voir le spectacle de la lave? Eh bien, pour l'instant, ce sont en priorité les Réunionnais qui en profitent. Marie-Lise Troyes est commerciale chez Élie Lagon. Il y a plus de demandes, on a beaucoup plus d'appels téléphoniques. Donc, ce qu'on propose en fait, c'est des vols l'après-midi donc, pour le volcan en éruption. C'est des survols directs, hein, donc ils sont à peu près d'environ 40 minutes. Et on les propose à 230 €. Donc l'après-midi en général, vers la fin de l'après-midi où la luminosité est vraiment meilleure. Donc c'est des appareils qui peuvent avoir 6 personnes à l'intérieur. Pour l'instant, la demande est vraiment très locale. C'est les Réunionnais qui désirent voir leur volcan de plus près. Et sinon, les touristes préfèrent voir les cirques, les remparts, etc. Et ça, c'est plus le matin avec nos survols complets. Donc plutôt les touristes le matin et les Réunionnais l'après-midi. Des propos recueillis par Thierry Chapuis. Et cette dernière info, le sentier du Piton Partage est de nouveau accessible du côté du volcan. L'éruption est toujours visible du Pas de Bellecombe sur le plancher des vaches. Enfin, ouais. Si le brouillard, bien sûr, se dégage. Et oui, là oui, c'est vrai que le temps a un petit peu changé. On verra bien aujourd'hui, mais on devrait encore voir l'éruption. Merci Cécile, à tout à l'heure pour l'info à 6h avec Florent Marot. Pour le moment, il est 5h39 sur la première. Et le temps, Michael, il est à l'inverse, dans le sud. Oui, et un grand sud est concerné, de l'étang Salé jusqu'à Sainte-Rose. On a des averses, du vent et bien sûr de la fraîcheur, puisque la fraîcheur s'est bien installée avec ce flux de sud à sud-est. Édith des Avirons nous dit, il pleut, il vente. Par exemple, chez elle, ça doit être la même chose du côté de Saint-Pierre ou encore de Saint-Philippe, où il pleut pas mal en ce moment. Alors pour voir un ciel un peu plus dégagé, eh bien il faut se diriger vers la partie nord. 4 degrés au Maïdo ce matin, 17 à peine à Saint-Denis. Alors cet après-midi, cela va se réchauffer puisque le soleil devrait revenir partout, même d'ailleurs dès le milieu de matinée, c'est ce que nous dit Météo France. Mais à nouveau, des nuages vont s'installer sur les hauteurs, Salazie, plaine des Palmistes, peut-être en volcan aussi, et déborder entre la Possession et Sainte-Marie. Ces nuages dans les hauteurs donneront certainement quelques averses sur le littoral. On gardera une impression de beau temps tout de même, avec du vent qui va bien souffler. Et ça va vraiment être plutôt perturbant. Hein. 60-70 km/h sur Saint-Pierre, sur Sainte-Marie, sur toute la façade est et même sur les plages. Ça remontera jusqu'à la pointe au sel. Donc autant vous dire que c'est très désagréable encore aujourd'hui. Une impression de fraîcheur qui sera bien installée avec 25 degrés seulement, à peine sur Saint-Denis. Est-ce que tu sais comment je fais pour me réchauffer le matin, grand matin? Comment on fait? Eh bien, je laisse mes mains posées sur mon bol de thé chaud. Eh ben, ça peut être ça une marche méthode un peu pour vous. Utilisez-la. Mais allez, juste un peu. Parce qu'après, il faut l'enlever. C'est ça. Après, il fait froid. Et ce matin, vous sélectionnez pour gagner cette croisière deux personnes à bord de Catapassion avec croisière et découverte. Tout ça peut être pour vous ce matin. Il suffit de poster la photo de votre petit déjeuner sur notre page Facebook. Une photo, Facebook et des cadeaux, rien que pour vous. Juste après Mamo, moins valé. Moi, maman et moi, les pas parfaits. Ni le meilleur, ça m'y connaît. Mais souvent, m'y rouvre grand mon cœur. Oh toi papa, t'as paix de bonheur. N'y regrette pas tout ça que n'y fait. Mais souvent les vite oubliées. Quand n'y a mis oublie compter. Et comme c'est que là jamais assez. Un jour ma vallée, loin dans la forêt, comme ma fête l'a fait. dis-moi les méchants. Un jour ma vallée, loin dans la forêt, comme ma voix l'a fait. Où ça ma poire allait pousser, la poire a dit la fée, le monde peut chamailler. Un jour ma vallée, loin dans la forêt, comme ma voix l'a fait. Oiseaux chanter, caresse la liberté, respire l'air frais. Ma vallée, oui ma vallée, ma vallée. Et c'est Mamo qui vous réveille dans toute la Réunion, Isa. On aime bien oui, Mamo. Oui, moi va aller, mais pas ce matin. Hein. Il fait trop frais. Hein. Ah si, on va quand même aller sur le marché. Voilà, mais hein, juste marché là, de Chaudron. Oui, ah bah, il fait frais déjà, Chaudron, hein, ouais, ce matin. 17 degrés seulement à Saint-Denis. On rejoint Prisca dans un instant, restez là. Au cœur de la Réunion avec Sonia. Passez une petite heure ensemble pour cette émission qui est la vôtre. Vous donnez des idées de sortie. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre belle île? Il y a des gens et je fais des démonstrations, comment on fait le curcuma, la rougoute. Sachez que ça bouge à côté de chez vous. Au cœur de la Réunion avec Sonia. Samedi et dimanche de 9h à 10h sur Réunion Première. Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer. Crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous t'en as où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Les 23 et 24 septembre prochains, c'est la 7e édition du festival Kalubong au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Retrouve en concert Morgan Héritage. Kalash. Kiltir. Bitova au bass. Toute la programmation, les infos pratiques et les infos billetteries sont sur kalubong.re. La ville de Petite-Île présente la Journée européenne du patrimoine le samedi 17 septembre de 9h à 17h30. Venez découvrir le patrimoine de la commune dans une chasse au trésor grandeur nature, des ateliers et des concerts. Découvrez les breads comme vous ne les avez jamais vus dans une conférence débat et un concours culinaire. L'après-midi, faites votre marché à l'escale au pays du terroir. La Journée européenne du patrimoine à Petite-Île, c'est le 17 septembre 2016 de 9h à 17h30 au centre-ville et dans les quartiers. Première. Et nous, pas besoin d'attendre les journées du patrimoine pour faire le marché forain. C'est tous les jours sur la première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et avec Prescus, c'est le patrimoine naturel, patrimoine insolite. Philosophique. Il y a tout. Tout est dans le marché. Ou les chaudrons, Prisca. Ah oui, vous l'aviez dit, hein, Michael. C'est vrai qu'au chaudron, Isabelle et Michael, on peut trouver de tout. Et je suis avec Monique. Bonjour Monique. Bonjour. Monique, c'est vrai qu'on peut trouver de tout, puisque Farid, là, juste devant Monique, il vend quoi? Des fourchettes, des couteaux, des économes, des petites marmites, des décorations. Il y a des marmites pour sa prière aussi, je pense. Céline, juste en face de vous, là, à droite, elle vend des montres, c'est ça? Oui, des montres, des sacs, des lunettes. Et Isabelle, si vous avez envie de changer votre garde-robe, on l'appelle comme ça, c'est son petit nom gâté, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Madame Tété est là aujourd'hui. Madame Tété. Madame Tété. Bah oui, elle Tété. Vend du soutien-gorge. Madame Tété. Alors, si vous avez envie de refaire votre garde-robe, passez au marché forain du Chaudron. Et Monique, elle a une petite variété de bread. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté au fameux bread coup de pète. On appelle ça comme ça. Non, le pourquoi coup de pète, on connaît, mais le bread coup de pète, non. Qu'est-ce que ça fait, le bread coup de pète? Ça fait peur. Non, mais en fait, bon. C'est très bon pour la santé. Ah et oui, en plus, on imagine. Et ben, on donne pas que. C'est bien le coup de pète pour la santé, ouais. Mais non, c'est pas ça. Bah si, Monique. Vous la perturbez, là, Michael, vous la perturbez. Reprenez vos esprits, excusez-moi, Monique. Oui, mais quand on le mange, ça veut dire que ça enlève un peu les alcooliques et tout le temps. Mais ça même. C'est ça. En fait, c'est par rapport à l'odeur. C'est pour ça qu'on appelle ça. Ah oui, le coup de pète. Ça sent pas le coup de pète. Hein. Non, ça sent pas. Parce que vous connaissez l'odeur d'un P, vous, Priscus. Oh là là, ça dérape. Là, ça y est. Là, on s'arrête. On va s'arrêter. Hein. On va parler du bread Messi. Voilà. Un peu plus fort, en fait. Quand on transpire, c'est sûr que ça en sent un peu plus fort. En fait, c'est certaines personnes. Hein. Mmh. Mais sinon, voilà. Quoi. Les Indiens, ils utilisent ça dans leur cuisine pour donner du goût à la préparation de légumes. Et il faut savoir que c'est un ingrédient qu'on utilise aussi pour le masalé, Monique. C'est ce qu'on appelle le fameux vindhyon. Vindhyon, voilà. On met dans le masalé, puis on met dans les sauces avec de la viande. Mmh. Et on peut faire ça comme ça. Donc, c'est un bread d'hiver, vous me le disiez tout à l'heure. Okay. Et on peut manger en salade aussi. Ah ouais. Donc, on prépare une petite vinaigrette à côté. Voilà, exactement. Avec le bread coup de pète, ça explose en bouche. Il faut bien le laver, c'est ça? Oui, surtout bien le laver 2-3 fois au moins. Mmh. Et puis voilà, en salade, ça, avec de la viande, avec des œufs aussi, en omelette, c'est très bon. Et ça coûte 1 euro seulement le paquet. Mmh. Ça, c'est bien euro, ça. Oui. Pour 2 personnes, ça suffit là. Voilà. Avec la montre, c'est bon. Pour Isabelle et Mika, c'est bon. Priscus, avec la montre, la bread ou pas? Avec la menthe? Comment ça, avec la menthe? Si vous voulez, rajouter de la menthe dans votre salade, ça, vous pouvez, hein. Oui, mais Lily veut rare qu'elle monte les... Oui, la montre, plutôt. Ah, la montre! Oui, j'avais entendu la menthe. Excusez-moi, parce qu'ils sont en train de, je sais pas si vous entendez derrière, ils sont en train de nettoyer. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, mais Mickaël confond le marché forain et la brocante. Non, mais laisse tomber, quoi. Quoique le marché forain du Chaudron, c'est un peu des deux. Aussi. C'est ça l'avantage. Et on va continuer la visite. Et on va vous poster, vous savez, la préparation du fameux bread coup de pète. D'accord, ça marche. Parfait, sur la page Grand Matin de Facebook. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, Priska. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. 5h50 tout pile, c'est le moment de jouer. Grand Matin, le mixeur. Allez, vous connaissez le principe, désormais c'est simple, Oté. Notre DJ fou est là. Ouais, comme tous les matins. On n'a pas des montres à vous faire gagner. Par contre, on a des places pour le concert événement avec Réunion Première le 7 octobre prochain. Enfants, Zilois, Cassia, l'Indigo sur la même scène, 3 heures de spectacle. Et comment qu'on fait? Eh bien, on écoute le mix de DJ Fou. DJ Fou, ça va, c'était simple ce matin. Ouais. Il ne pas, pète pas ton temps. Non, mais je lui demande, il quand même répond avec les yeux. Il a un langage bizarre. Mais il a des yeux bizarres aussi, DJ Fou. Non, mais il est tout bizarre. Enfin, il a un œil en fait, il a pas deux yeux. Arrête. Bon, arrête. Le mix. Non, j'arrête pas, j'y peux rien. On engage qui ici? Bon, allez, c'est parti. Ah ouais, c'est facile en plus, DJ Fou. Oui, mais il est gentil, tu vois. Il est bizarre, mais il est sympa. Ouais. Il pense aux auditeurs. Pour être sûr qu'ils trouvent. Si ça, ils chantent ça au thé. Facile, ça, les amis, facile. Bah, oui. Ah là, encore plus facile. Ah bah oui. Au moins le titre, si ça donne un point, le nom du chanteur. C'est le titre ou l'artiste. Alors, si on donne les titres dans la chanson, c'est sûr que ça risque pas d'être compliqué. Hein. Allez, on appelle 0262 99 2000. Pour jouer avec nous. Alors, vous l'avez compris, il y a deux titres qu'on vient de vous passer. Voilà. Il suffit de nous les donner. Soit le titre, soit le nom. En même temps, des artistes. On vous l'a répété 15 fois dans le mix qui vient d'être passé, donc ça risque d'être quand même assez simple. Alors, qui veut gagner des cadeaux? C'est parti, on file sur le standard maintenant. Allez. Et on va sélectionner. On clique. Voilà. Et on a cliqué. Salut Julien. Oui, salut, c'est Julien, c'est ça. Comment ça va, Julien? Ça va très bien, vous-même? Eh bah, très très bien, mon cher Julien. Julien de Petite-Île, le temps est pourri là-bas, Petite-Île? Oui, un petit peu. Oui, c'est ça. Julien, vous réveillez, vous êtes sur la route? Déjà sur la route. Ouais. Ça travaille. Oui, on sent tout le désespoir dans la voix. Déjà sur la route. Il est fini fatigué, il me comprend. Oh, Julien. Julien, on va faire quoi de sa journée? Bosser. Vous bossez dans quoi, Julien? Dans le transport. Ah bah ça tombe bien, vous serez sur la route toute la journée, du coup. C'est ça? Oui. Bon. Ça. On espère vous faire plaisir, Julien, en vous offrant des cadeaux, mais il faut nous donner de bonnes réponses. D'accord. Alors, c'est parti, Julien, on écoute. Qui l'avait dans le mix, là? On peut réécouter le premier, s'il vous plaît? Ah oui. Bon. Julien, on commence fort, là. Hein, Julien, c'était Naïs Seyé, le premier, avec? Avec Belle-Sœur. Voilà, et le deuxième? Tom Jones. Avec? sexe. Bon. Ah bah voilà, c'est gagné, Julien, bravo, c'est dans la poche. Allez. Les deux places pour le concert Enfants Illois, le 7 octobre, Petit Stade de l'Est. Eh bien, c'est pour vous. Félicitations. Salut, bah, Julien. Beaucoup, bisous, travaille bonne bien. Bonne route. Bah, merci également. Allez, bye bye. Première. 5h53, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Mismé Philippe. Monsieur Mismé Philippe, originaire de Ruisseau-Blanc à la Montagne. Le décès est survenu lundi à l'âge de 69 ans. Le corps se trouve au centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie. La famille est priée d'appeler les pompes funèbres au 02 62 58 06 06 02 62 58 06 06 afin d'organiser les obsèques. Décès de Madame Veuve à Jaguin, Soleillin, André, née Mada, Thérésia, Alice. Madame Veuve à Jaguin, Soleillin, André, née Mada, Thérésia, Alice. Le décès est survenu hier à l'âge de 82 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au 924, chemin Tour des Roches à Savannah à Saint-Paul, aujourd'hui à 16h15. La bénédiction se fera en l'église de Savannah à 16h30, suivie de l'inhumation au cimetière de l'étang Saint-Paul. Décès de Madame Zit, née Chanouaille, Adèle Carmen. Madame Zit, née Chanouaille, Adèle Carmen. Le décès est survenu hier à l'âge de 98 ans. Le convoi mortuaire sortira de la salle mortuaire de Stella à Portail Piton-Saint-Leu. Aujourd'hui à 13h30, la bénédiction se fera en l'église de Saint-Leu à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de Trois-Bassins. Décès de Monsieur Warot Roger. Monsieur Warot Roger, le décès survenu hier à l'âge de 76 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 8 impasse Piton Entonnoir à Bézave à Saint-Joseph, aujourd'hui à 16h. La bénédiction aura lieu à son domicile à 10h30. L'inhumation se fera au cimetière des Lianes. Décès de Monsieur Robert Jean Simon. Monsieur Robert Jean Simon, le décès est survenu hier à l'âge de 50 ans. La veillée se tient à son domicile 84 chemin Ilang-Ilang, Bois de Neuf-Sainte-Clotilde. Le convoi mortuaire sortira de cette adresse. Aujourd'hui, la bénédiction aura lieu à 15h. L'inhumation se fera au cimetière de Bois-Rouge à Sainte-Marie. Décès de Madame Veuve Rajoséfa née Maillot Marie-Paulette. Madame Veuve Rajoséfa née Maillot Marie-Paulette. Le décès est survenu lundi à l'âge de 76 ans. Une veillée aura lieu demain à partir de 11h30 au centre funéraire de Prima. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima vendredi à 14h15. La bénédiction aura lieu en l'église de la Possession à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de la Possession. Décès de Madame Téchère Daniel, Annie Gisèle. Madame Téchère Daniel, Annie Gisèle. Le décès est survenu samedi à l'âge de 46 ans. Le discours biblique aura lieu vendredi à 13h30. La crémation se fera au centre funéraire de Prima. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Les infos pratiques, Mickaël. Et coupure d'eau prévue aujourd'hui à Saint-Benoît, sur le secteur cratère, de 13h à 18h. Prenez vos dispositions. Demain, coupure d'eau à Sainte-Suzanne, rue de la Liberté, Bellevue, à partir de 8h. La remise en eau se fera à partir de 14h. Même chose au tampon pour ce jeudi 15 septembre. Grande ferme, 27e kilomètre, lotissement Les Topazes. RN3 partie comprise entre le 24e et le 27e. Chemin d'Orveillé-Léo, des Alpes, Mathias, coin tranquille de la concession et toutes les voies adjacentes. Distribution en eau perturbée et interrompue. Aujourd'hui, à Saint-Leu, sur le CD11, CD13, le plateau chemin Carlonnette entre deux, Piton-Saint-Leu, Pitonville, Sentier d'Apollon, Bois de Neuf et les voies adjacentes. À prévoir aussi les coupures d'électricité au tampon de 8h45 à 10h30, impasse Démosthène, rue du Frère Polycarpe, impasse Pierre Boulet, Édith Piaf, Bouvet de Lozier, François Rabelais, Paul Cézanne, chemin de l'Ermitage, Raphaël Barquisseau, impasse Henri Matisse, Ambroise Vollard, Vincent Van Gogh, Joseph Bézier, rue René Bazin, impasse Jean-François Millet, chemin du Portail, Mazot, rue des Aubépines, Paul Claudel, du docteur Charrière, impasse Aristote, chemin Fargeau, Romain Roland, impasse Jean-Baptiste Kléber, Pierre Roselli, chemin François Cadet et impasse André Breton. Coupure électrique aussi de 9h à midi à Saint-Joseph, rue Émilie Labonne, boulevard Les Neuveux, à Petite-Île de 8h à 15h30, impasse des Canaries, rue du Casino, du stade Joseph Fontaine, à Saint-Pierre de 8h30 à 16h, Ravine des Cabris, chemin Firmini, Louis Nayagom, Champax, Châtaignier, 94 bis, chemin Paul Fontaine, Petit Frère, impasse Ignace Naguin, Marcel Patate, chemin Alexis Fontaine, Sabrap et impasse Lossa. Et puis à prévoir aussi, si vous voulez vous faire dépister, ce jeudi avec la Sémadère Possession, quartier Ravinefleur, rue des Bégonias, de 8h à 11h, dépistage du diabète. Il est conseillé de venir à Jeun pour un meilleur dépistage. Dépistage aussi au marché forain du port aujourd'hui de 8h à 13h. Grand Matin revient à 6h pour le avec journal. Avec le journal de Florent Marot, ici, en attendant. C'est Louane. Malgré tout voyager, tes retours, des allées, descendre, remonter, à l'espoir adossé. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. This ain't loving, this ain't loving. Un si joli bouquet, nos atomes accrochés. Loane qui prépare en ce moment un deuxième album, en tout cas elle serait de retour en studio d'après les dernières infos. Ouais. Loane avec Nos Secrets. Et pour le moment, première. La demoiselle est en tournée en Allemagne tout ce mois de septembre. Il est 6h sur la première. C'est l'heure du journal. Florent Marot, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. C'est une tradition, après chaque rentrée universitaire, l'UNEF organise jusqu'à ce soir une bourse aux livres à l'espace de vie étudiante au Moufia. L'opération a du succès, normal, c'est du gagnant-gagnant. Explication dans un instant. Un incendie s'est déclaré hier soir au Maïdo. 25 pompiers, 7 engins ont été mobilisés pour éteindre le feu. 3 hectares sont partis en fumée. Pendant ce temps, l'éruption continue au piton de la Fournaise. Bonne nouvelle, le sentier du Nez Coupé de Sainte-Rose est de nouveau autorisé. Elle sera fixée sur son sort aujourd'hui. Marie-Judy Olivier est jugée depuis hier aux assises pour le meurtre de son concubin. Pour l'instant, elle nie l'intention de tuer, parle de réflexe. Et puis un maître sommelier est à la Réunion. Annie-Françoise Crouzet participe en ce moment au Centaure à une masterclass vin. Objectif formé restaurateur, hôtelier et caviste. C'est souvent l'occasion de faire de bonnes affaires. L'UNEF organise depuis hier au Moufia sa traditionnelle bourse aux livres. L'objectif pour les acheteurs, c'est de trouver des manuels universitaires moins chers qu'en librairie. Et ceux qui vendent peuvent se constituer une petite cagnotte. C'est le principe du gagnant-gagnant. Un rendez-vous malin, donc, que les étudiants ne ratent pas parce que souvent, les livres pèsent aussi lourd dans leur budget que dans leur sac. Bruce Régent. Une centaine d'euros, c'est le budget bouquin moyen en début d'année. Grâce à la bourse aux livres, on peut économiser quand même. Morgane a déjà 3 ouvrages dans les mains, mais qu'en fait-elle au mois de juin ? Je les garde. Par exemple, je fais plus anglais, mais je continue à étudier de l'anglais chez moi. Tous ces livres-là, si vous les avez aussi, c'est qu'il y a un moment où les gens trouvent qu'il faut s'en séparer. Oui, mais je ne fais pas partie de ces gens. Audrey, elle, pourrait faire circuler. Peut-être, je sais pas, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, parce que tout au long de notre parcours, on aura besoin toujours des livres d'avant. C'est pas des livres trop vieux, du coup ? Franchement, non. De toute façon, c'est un livre, ça dure jusqu'à que les pages se déchirent. De son côté, Kaloun est à l'affût. 1 euro, c'est pas cher. Les pages jaunies ne sont pas un problème pour elle. On cherche un peu des livres par rapport à l'histoire géo, vu qu'on est en sciences de la société. Ça peut vous aider, ça, les manuels de seconde ? En général, les manuels de lycée, parce que ça sert quand même à avoir une certaine culture pour notre licence. Après, il faut bien savoir les choisir. Et puis, il ne faut pas traîner, ça part vite, selon Clémence, qui ne trouve déjà plus rien dans ses prix. Pour l'instant, je regarde surtout pour mes cours en gestion d'entreprise. Et je voyais que c'est pas glorieux. Alors elle feuillette des romans. Voilà aussi, oui, j'en profite pour le plaisir. Et il y a de tout, de Super Picsou géant à la bio de Sylvie Vartan, c'est paraît-il moins périssable qu'un code civil de 2010. Et cette bourse aux livres se termine ce soir au Moufia, elle sera organisée demain au Tampon. Dans le reste de l'actualité, un incendie s'est déclaré hier soir au Maïdo, au niveau de la route d'Ilet Alcide, un feu de pâturage et de broussailles qui a nécessité l'intervention de 7 engins et de 25 pompiers. Le feu est éteint depuis 2 heures ce matin, mais 3 hectares sont tout de même partis en fumée. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre. Au volcan, il n'y a plus de risque d'incendie sur les remparts de l'enclos, selon la préfecture. Conséquence, le sentier du Nez Coupé de Sainte-Rose est de nouveau autorisé. Pendant ce temps, l'éruption continue au piton de la Fournaise. 4e jour ce mercredi, les coulées de lave sont toujours visibles du Pas de Bellecombe. Et puisque l'on parle du volcan, on en sait un peu plus sur les projets du COST, le Comité d'Orientation Stratégique du Tourisme. 2 projets sont sur la table, un éco-gîte et un éco-lodge plus haut de gamme. L'éco-gîte va remplacer le gîte du volcan construit au début des années 60, une structure vieillissante qui enregistre tout de même plus de 10 000 nuitées par an. Début des travaux dans un an, ils coûteront 7 700 000 euros et la structure sera livrée courant 2019. Les précisions de Nassima Dindar, la présidente du conseil départemental. La construction du gîte va offrir plus de capacités en termes d'hébergement, différents types de chambres. Ceux qui veulent être sur les lits superposés, payer un peu moins cher. Ceux qui veulent dormir seulement et pas manger. Ceux qui veulent dormir et manger. Ceux qui veulent aller manger au restaurant simplement sans dormir. Mais aussi des chambres. Pour les familles, hein, une chambre avec parents, enfants, etc., ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ceux qui veulent partager des salles de bain ou ceux qui ne le veulent pas. Donc c'est un projet plus conséquent, avec une gamme plus large qui correspond à des demandes sur différents types de randonneurs. Nassima Dindar, présidente du conseil départemental au micro, réunion première de Johan Adamadorassi. Le tourisme et les changements prévus à l'aéroport Roland-Garros, un plan stratégique 2017-2020 va être mis en place. Un plan qui coïncide avec l'arrivée du nouveau président du directoire, Guillaume Branlat, 42 ans. À partir du 1er janvier prochain, il remplacera Jean-Paul Noël et cela pour 5 ans. Guillaume Branlat veut renforcer l'attractivité de l'aéroport et augmenter le confort des usagers. Deuxième jour de procès, aujourd'hui aux assises pour Marie-Judy Olivier. Elle est jugée pour meurtre. En 2013, elle a tué son concubin Rudy Blard d'un coup de couteau. Elle a avoué les faits, mais nie l'intention de tuer. La jeune femme de 25 ans affirme qu'elle a agi par réflexe et que le coup de couteau était le résultat d'un ras-le-bol. Le couple se disputait souvent. L'association Femmes Solidaires a tenu à assister à ce procès et pour sa présidente, Odette Poncet, ce dossier relève bien de violences conjugales. On voit bien aussi le déni des femmes qui ne veulent pas reconnaître, elles aiment tellement leur concubin, je dirais. Elles cachent choses parce qu'elles pensent toujours qu'elles vont rattraper la situation. Et on cache et on cache et on cache, les choses s'entassent. Mais ça fait voir surtout aussi l'isolement d'une femme. C'est un dossier de violence conjugale. C'était une femme isolée. C'est le cas de toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales, l'isolement. Oui, je crois. Parce que la plupart des femmes, elles ont honte. Même si vous connaissez la violence, vous n'allez pas le dire. Et puis quand vous allez le dire, vous allez vous désolidariser des fois de votre mère, de votre belle-mère, de la grand-mère. Parce que les femmes ont connu la violence. On parle de la violence conjugale comme un problème de société. Peut-être pas trop les journalistes, on est toujours dans les faits divers. Et c'est surtout les mentalités qui n'évoluent pas. Odette Poncet, présidente de l'association Femmes Solidaires, au micro réunion première de Nadine Bachelot. Le verdict est attendu dans la journée. On reparle ce matin du coup de sang de Bernard Boyer sur le dernier tour de l'île cycliste. Il avait placé des barrières au milieu de la route en pleine étape. Plusieurs coureurs avaient été blessés. Lui affirme qu'il voulait protéger son fils qui se trouvait au sol. Eh bien, Bernard Boyer a été placé hier en garde à vue. Selon le GIR, il est poursuivi pour violence avec arme. 6h07 sur la première. La suite du journal, Florent Marot. Pourquoi la carrière de Dioré mais n'a-t-elle toujours pas démarré son activité ? C'est Europe Écologie Les Verts qui pose la question. La société Guintoli dispose pourtant de toutes les autorisations et le chantier de la nouvelle route du littoral manque cruellement de roches massives. Les Verts soupçonnent l'entreprise de faire durer les négociations pour créer la pénurie et faire monter les prix. Une stratégie qui risque d'avoir des répercussions, selon Jean-Pierre Marchaud, le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y avait pas de carrière de roche massive à La Réunion, il n'y avait que des carrières de type alluvionnaire. Or, une carrière d'extraction de roche massive, les coûts d'exploitation, les coûts d'entretien sont sans commune mesure avec les carrières alluvionnaires. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire venir des explosifs, ça coûte excessivement cher. Les coûts d'entretien de la carrière ne sont pas du tout les mêmes. Donc demain, on va avoir un renchérissement des coûts. Et d'autre part, nous nous interrogeons sur le fait que l'exploitant de la carrière durée, qui a toutes les autorisations depuis le 1er janvier, n'exploite pas. On s'interroge, est-ce qu'il n'y a pas la volonté là d'assécher le marché des matériaux pour faire monter les prix ? Tant que l'État prenne le dossier en main et qu'il veille effectivement à ce qu'il n'y ait pas cette dérive des coûts qui s'annonce et qu'il y aura un impact pas seulement sur le chantier de la route, mais sur le prix des logements de main, puisqu'il faut savoir que 50% de la production d'agrégats est absorbée par le bâtiment. Jean-Pierre Marchaud, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, interrogé par Gaël Le Dantec, le parti qui appelle les Réunionnais à participer à la primaire pour désigner le candidat à l'élection présidentielle. Tous les Réunionnais âgés de plus de 16 ans et qui sont prêts à débourser 5 euros peuvent y participer sur Internet. Il faut s'inscrire avant le 1er octobre. Nicolas Sarkozy a réagi au soutien de Didier Robert. Le président de région avait en effet décidé de donner sa voix à François Fillon avant de changer d'avis. Pour Nicolas Sarkozy, Didier Robert est, je cite, un homme compétent et loyal. Former les professionnels avec des masterclass, c'est l'objectif du Centaure. Et la première masterclass est consacrée au vin. Annie-Françoise Crouzet est à La Réunion, célèbre maître sommelier. Elle est quatrième née mondiale. Elle a fait le déplacement pour former des restaurateurs, des hôteliers ou encore des cavistes. Premier enseignement, les meilleurs vins ne sont pas forcément les plus chers. Confirmation avec Annie-Françoise Crouzet. Un bon vin n'est pas une obligation d'être cher. Après, je dis que ce sont les snobs du vin qui payent cher les bouteilles. Et quand on les ouvre ici, on a eu 2-3 déboires quand même dans la semaine. Et la semaine dernière, des vins qui partaient un peu en oxydation. Ce qui veut dire qu'on a des très jolis vins autour des 6 à 10 euros qui sont très agréables. Tout dépend ce qu'on veut en faire en accord mes vins. Mais avec cette belle cuisine réunionnaise et puis les cuisines du monde, puisqu'à La Réunion, on a toutes les cuisines, eh bien, il y a énormément de bons vins qualité-prix qui fonctionnent en accord mes vins. Annie-Françoise Crouzet au micro, Réunion Première d'Hubert Debeu. Allez, on passe au sport et plus précisément au sport scolaire avec cette initiative du Collège de Terre-Sainte. Plus de 500 élèves étaient hier sur les plateaux sportifs Nelson Mandela à Saint-Pierre pour découvrir de nouvelles disciplines. Et pour parler du sport scolaire, Philippe Dornier reçoit aujourd'hui Thierry Grimaud, le délégué départemental de l'UCEP et l'invité de la matinale. Rendez-vous à 7h15. En attendant, place à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. Israël tremble pour la vie du Nobel de la paix, ancien président Shimon Peres, hospitalisé d'urgence cette nuit en soins intensifs, victime d'un AVC à l'âge de 93 ans. Ses médecins disent qu'il se trouve dans un état grave mais stable. Depuis hier soir, les messages affluent de partout dans la classe politique israélienne. Shimon Peres est le dernier des pères fondateurs de l'État d'Israël, encore en vie, et l'un des artisans des accords d'Oslo en 1993, synonyme d'espoir entre Palestiniens et israélien. Hillary Clinton va reprendre sa campagne électorale demain jeudi, après 4 jours de repos en raison de sa pneumonie et après un malaise lors des commémorations des attentats du World Trade Center à New York. La candidate démocrate se repose chez elle. Fin de l'alerte orange aux orages violents sur la façade atlantique pour 9 départements, alors que 80 000 foyers sont toujours privés de courant, du Pays Basque aux Charentes. Nombre d'entre eux devaient pouvoir retrouver l'électricité cette nuit, en tout cas au dire des Enedis, l'ex-ERDF. Attention, le premier épisode Cévenol est attendu pour ce matin. Météo France annonce des cumuls de pluie compris entre 80 et 150 mm dans le Gard, en Lozère, dans l'Hérault et dans l'Aveyron. Ces 4 départements restent en alerte orange aux inondations. Le pape François va célébrer une messe ce matin pour les proches du père Jacques Hamel, tué le 26 juillet dans une église en Normandie par 2 djihadistes se revendiquant de Daesh. Un groupe de 80 pèlerins et l'évêque du diocèse de Rouen, Dominique Lebrun, vont ont assisté à la cérémonie célébrée à la chapelle de la maison Sainte-Marthe dans la cité du Vatican. Le dossier Alstom entre les mains du gouvernement qui veut convaincre le groupe de ne pas fermer son site historique à Belfort comme ce dernier en a l'intention. Tout sera fait, a martelé François Hollande ce mardi lors d'un déplacement en Roumanie. Une grande manifestation doit avoir lieu dans les rues de Belfort ce jeudi. Les infirmiers appelés à faire grève aujourd'hui mercredi par leur principal syndicat pour dénoncer la dégradation des conditions de travail à l'hôpital. Ce syndicat met en cause le suicide de 5 infirmiers cet été. La coordination nationale infirmière dénonce le silence médiatique de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Ce syndicat réclame les actions urgentes. L'homme suspecté d'avoir tué sa mère au Havre lundi matin devait hier soir être mis en examen pour homicide volontaire. Il a été présenté à un juge d'instruction depuis ce mardi soir après la fin de sa garde à vue. Cet homme de 25 ans à la santé mentale fragile aurait tué sa mère car elle s'opposait à son départ en Syrie pour mener le djihad, en tout cas selon les premières explications fournies aux enquêteurs. Ça ne commence pas très bien pour le PSG en Ligue des champions de football. Les Parisiens tenus en échec par Arsenal pour le premier match de poule de la compétition. Score final 1-1 au Parc des Princes. Et cette 4e médaille d'or pour la France aux Jeux paralympiques de Rio grâce au pongiste Fabien Lamiro qui a battu un Polonais en finale. 6h13 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Fraîcheur, vent et averse au programme. Et averse, c'est le cas dans le sud en ce moment entre l'étang salé en passant par Saint-Pierre et Sainte-Rose sur les hauteurs comme sur le littoral avec forcément des accalmies. Ciel plus dégagé en allant vers le nord. Le ciel va se dégager, c'est ce que nous dit Météo France. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle avec du soleil qui va revenir. Certainement au piton de la Fournaise, on pourra voir l'éruption aujourd'hui, mais les nuages qui vont à nouveau s'installer cet après-midi sur les hauteurs d'une large moitié nord ainsi que sur la plaine des Palmistes. Le littoral, lui, conservera un bel ensoleillement. Au volcan, a priori, on aura aussi du soleil. Les plus hauts sommets resteront dégagés à la faveur du vent qui va bien souffler et qui va être désagréable. 60-70 km/h sur Saint-Pierre, Sainte-Marie, dans l'Est et même sur les plages. Hein, ça remonte jusqu'à la pointe au sel aujourd'hui. Et puis fraîcheur matinale, fraîcheur aussi cet après-midi. Hein. Bon, en tout cas, petite douceur, à peine 25 degrés sur le littoral à Saint-Denis. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Attention, poids lourd en panne côté ouest. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Bonjour Yves Ruyer. Bonjour Yves. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Oui, un poids lourd en slack mixte en direction du nord. Donc, l'itinéraire obligatoire pour les poids lourds de plus de 19 tonnes depuis l'échangeur de Cambay jusqu'à jusqu'au Sacré-Cœur. Donc, sans doute, il peut gêner un petit peu de trafic. On va y voir ça dans un instant. Il n'y a pas eu trop de précision. C'est les pompiers qui avaient appelé le CRGT. Circulation ralentie à l'entrée de la tranchée couverte de Saint-Paul. L'entrée de Saint-Denis se fait correctement partout, dans les deux sens. C'est terminé pour les travaux de la route de Saint-François sur la partie basse. Donc, les travaux de rendez-vous ont bien eu lieu. Les travaux de nuit, donc, sont terminés à l'heure. Et puis, même condition de circulation qu'hier, à savoir de la pluie au sud de la route des Tamarins, donc après Saint-Leu. Et il pleut bien, alors ça c'est une petite pluie, puis après il pleut bien sur Saint-Pierre en ce moment, Grand Bois, attention sur la 80 du tampon. Vigilance en ce moment, restez très prudents, hein, tout à l'heure. À tout à l'heure. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Et content de vous réveiller avec nous, j'espère. Nous aussi, on est super contents, en tout cas. Oui. Et on est content de vous offrir des cadeaux. Dans une poignée de minutes, on vous offre de l'argent dans la popoche. Eh oui, ouais. Il suffira de composer le 02 62 99 2000 et pour vous, 20 euros de bons d'achat à valoir dans les magasins Espace Fraîcheur. Autant vous dire que c'est maintenant qu'il faut téléphoner. 02 62 99 2000, on ira aussi sur le marché du chaudron avec... Avec Prisca. Priscus, grand matin continue. Avec cette reprise. Soprano. Amel Bent, quand la musique est bonne. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me casse, voyage toujours en pôle. Des champs de coton dans ma mémoire. Trois notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard. Quand la musique est Alors, qui veut remplir tous ces tiroirs de fruits et de légumes à profusion? Son frigo, 20 euros. Bah vous qui nous offert écoutez, par Espace Fraîcheur. Vous voulez certainement, et bah dépêchez-vous, 02 62 99 2000, on file au standard dans un petit instant. C'est maintenant, juste après ça, restez là. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première, à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Première. T'as besoin d'un médicament, Isa? Ah ouais? J'ai pas mal de tête, mal de ventre, tout va bien? Non, ce ça matin va, un truc pour ah bon, la gorge peut-être? Tu me dis oui alors? Pour la gorge, ah, pour la gorge, ouais, c'est pour la grippe. Ouais. Bon, on a Jean-Max avec nous. Salut Jean-Max. Coucou Jean-Max. Salut Mickaël. Jean-Max. Ça va Jean-Max? Bon. Siro, comment appelle ça? Siro longtemps là? La cuite? Pour la bon, hey, Jean-Max, si on a un problème le matin, on compte sur vous, hein, vous êtes livreur de médicaments. Hein. Pas de problème. C'est bon. Et d'ici là, nous, on va vous offrir vos 20 euros à valoir chez Espace Fraîcheur. Félicitations, Jean-Max. On prend un peu de vitamine alors. Bah voilà, oui. Ça fera du bien au lieu de prendre des médicaments. Bon courage pour la journée, Jean-Max. Salut, Jean-Max. Bisous. Okay, bah, bisous, bye. À bientôt. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca, où les chaudrons ce matin? Oui, et le jour se lève de plus en plus tôt maintenant, puisque ça y est, hein, il fait clair, Adrien, bonjour. Ah oui, bonjour. Qu'est-ce que vous nous avez ramené là, Adrien, sur la table? Térémolia. Térémolia, ça fait une goutte ça, Isabelle, Mika? Alors là, franchement... Térémolia, c'est ça? Je connais pas. Alors, ça ressemble à quoi, Adrien? On ne connaît pas grand-chose, en fait, hein, qu'on regarde bien. Mais c'est un fruit, il ressemble un peu le corosol. À l'intérieur, ah, à ça l'intérieur, ça ressemble au corosol, à l'extérieur, ça a l'aspect du pain-pain. Mais c'est en plus petit quand même. Oui. Mmh. Bah, où ça, ils sortent ce fruit-là? Faut qu'on retourne sur les marchés. Ouais, à Sainte-Suzanne. Et m'y voit que la caisse dessous-là, elle est remplie de ce fruit-là. Oui. Rappelle-nous un peu le nom. Térémolia. Térémolia. Térémolia. On va chercher. Hein. C'est un fruit longtemps. Un fruit longtemps. Ah bon, Adrien, c'est le spécialiste des fruits longtemps ici sur le marché forain du Chaudron. Qu'est-ce que ça comme fruit longtemps, on l'a ramené, Adrien, aujourd'hui, mercredi? Aujourd'hui, c'est Térémolia. Térémolia, combien on vend ça? Il est bloqué sur Térémolia, là, ouais, quoi. Hein. Térémolia, presque. La pièce, 2 euros la pièce. 2 euros la pièce. Et combien de pièces de Térémolia il y en a dans la caisse là? Au moins une cinquantaine, non? On dirait comment regarder, non? 20? C'est au moins 20. Donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Dépêchez-vous de venir nous rejoindre au marché forain du Chaudron. Il y a de la place, hein, pour se garer. Et puis pour ceux qui adorent les mangues, en exclusivité sur Réunion Première, en direct ce matin, sachez que les premières mangues José sont... C'est arrivé là sur les marchés, puisqu'aujourd'hui c'est des jours de marché à Saint-Louis, au port. Et c'est en vidéo bon, sur Facebook. Contre, voilà. Et c'est également sur la page de Grand Matin. Par contre, il va falloir mettre la main au porte-monnaie. Combien? Parce que Adrien, vous l'avez vu le prix? Attendez, je vais laisser Adrien donner le prix. Combien il coûte, Adrien? 2 euros le Térémolia. Non, c'est Térémolia. Le... il est bloqué, Adrien, c'est Térémolia. Il est à fond. Il faut passer. Les Térémolia et Adrien, toute une histoire d'amour. Hein. Mais il vous entend, Adrien. Il a l'oreille. Oh, Adrien, extraordinaire. Bonjour, Adrien. Térémolia. Et les mangues de Zécet, 10 euros le kilo. Ah, voilà. Il est passé aux mangues. C'est bon. Oui, bah, il avait bloqué sur les Térémolia. Le premier. Ce sont les premières mangues José. Hein, ah, que bah j'ai voilà, croisé Adrien, bon, là-bas, de l'autre côté du marché. Il me dit, Prisca, viens voir. Mm. Il y a les Térémolia aujourd'hui. Bah oui, bah tu m'étonnes, voilà, tu t'as chopé là. Sont Térémolia. Donc, découverte du bread métis, hein, le fameux bread coup de pète. Oui. Et puis, ah oui, et puis le Térémolia. Ce fruit là, le Térémolia, oui, avec ça, on a compris. Première. On va en faire le mot de passe. Bah, le mot de passe, ça va être quoi, Adrien? Térémolia. Non. Voilà. Vous êtes d'accord, il l'a pas Adrien dit. Là. Oui. Bon, Adrien il va vous offrir un Térémolia dans le panier. C'est cool. Et Miss Monique vous offre également un paquet de bread métis. Merci, Monique. Pour goûter, pour ceux qui connaissent pas. Donc rendez-vous tout à l'heure à 8h30. Nous allons partager des recettes en direct sur le marché forain du Chaudron. Et puis connectez-vous sur la page Facebook de Réunion Première. C'est fait. Que vous aurez les images en direct dans quelques secondes. Térémolia. Bye bye. Salut. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Allez, c'est le moment de parler économie. Et dans l'Hexagone, les opportunités d'emploi ne sont pas les mêmes pour tous, y compris pour ceux qui sont détenteurs d'un diplôme d'études supérieures au-delà d'un bac plus 2. À Paris, une société s'est spécialisée dans l'aide et au recrutement de ces candidats issus de la diversité. La chronique éco, Tessa Gromagn. Saïd Amouche, originaire de la Seine-Saint-Denis, connaît bien la chanson. Le nom, l'adresse en banlieue, la couleur de peau, tout cela représente un obstacle pour trouver un emploi. Et on pourrait penser que faire des études supérieures permet de passer les barrières. Mais non, Saïd Amouche est le fondateur de Mosaïque RH, cabinet de recrutement et conseil en ressources humaines. Il y a un double phénomène, puisqu'ils sont à la fois au chômage, victimes de discrimination, mais ils subissent une injustice, parce qu'au regard de l'effort qu'ils ont fourni pour décrocher une qualification, un diplôme d'enseignement supérieur, eh bien, ils mettent 2 à 3 fois plus de temps à rentrer sur le marché du travail. Tania en sait quelque chose. Arrivée de Martinique en 2011 avec un BTS d'assistance de direction et une licence d'administration publique en poche, elle cherche un emploi mais ne reçoit que des réponses négatives. Là, en ce moment, je suis également du recrutement. Je travaille avec de nombreux directeurs et c'est vrai qu'ils recherchent donc déjà des personnes issues de très grandes écoles. Pour des Antillais donc, qui présentent leur CV, université par exemple des Antilles, de la Guyane, ça ne parle pas du tout. C'est plus compliqué. Et moi, je peux vous le dire, j'ai vu des candidatures qui ont été écartées, justement parce qu'ils venaient des Antilles. Les a priori ne sont pas les seules difficultés que rencontrent les originaires d'outre-mer ou ceux qui vivent en banlieue. Il y a autre chose aussi. Saïd Amouche de Mosaïque RH. Ils ont moins de chance que les autres parce que nous sommes dans un pays où la cooptation règne. Il faut savoir qu'une grande partie des postes aujourd'hui sont pourvus par la recommandation, par le réseau, par la capacité à être recommandé. Face à ce principe de cooptation, Saïd Amouche a mis en place un autre système pour rapprocher les entreprises des candidats issus de la diversité. Eh bien, nous, on commence par aller voir les boîtes, on leur demande de nous missionner sur leurs offres à pourvoir. On publie ces offres sur notre site internet, on les diffuse dans certains réseaux, et ensuite on trouve les candidats qui répondent à ces offres-là, on les rencontre, on les sélectionne et on les met en relation directement avec les recruteurs ensuite. La Martiniquaise Tania a continué ses études dans l'Hexagone, un master en ressources humaines à l'université d'Évry. C'est grâce à ce diplôme parisien et l'aide de Mosaïque RH qu'elle a aujourd'hui un poste au service ressources humaines d'une grande fondation sociale. Tania dit qu'à son travail, il y a beaucoup d'employés originaires d'Afrique et des Antilles, mais à la direction de la fondation, il n'y en a qu'un seul, et c'est elle. Merci Tessa Gromagn. Tikok Velay avec Donne-moi Bertel. Donne-moi Bertel. Bah vous savez, beaucoup moins prend son BTL aussi. Ouais, j'ai envie. Avec TikTok. Tu crois que tu es sur le marché, il faut rien voir. A tout de suite. Oh là là, voici la batte nena. Donne mon BTL, mi ça va. Rôle mon sauce, t'es à la barre. Des potes à moins, ça pas bon. À la moins d'un rédillon. Des potes à moins, ça pas bon. À la moins d'un rédillon. Donne mon soubite, mi ça va. Soyez mon enfant, t'es là. Donne mon soubit, mi ça va. Rode un boucher pour bana. Faire maloya mon papa. Maman zélo qu'est sa baba. Faire maloya mon papa. Maman zélo qu'est sa baba. Donne mon vieux pioche, mi ça va. Gratte la terre à la tebana. Donne mon vieux pioche, mi ça va. Rode mon zoané sans baza. Mon cuisine de bois les gaïa. Avec son fafa les bala. Mon cuisine de bois les gaïa. Avec son fafa les bala. Donne mon gamblon, mi ça va. Rode la soise de l'eau sans dada. Donne mon sombri, mi ça va. Rode un paquet de bois là. Fle maloya mon papa, maman zélo qu'est sa baba. Fle maloya mon papa, maman zélo qu'est sa baba. mwen dan redyon Kizin de bwa le gaya Ek son fafa le balab Fler maloya mon papa Koumanze lo pye sa baba E porta mwen dan fotrin Sans mon sommeil pas demain Fler maloya mon papa Et vous réveillez peut-être avec Ticoc Velay, Donne mon Bertel. Bienvenue dans Grand Matin et bienvenue à vous tous et à toutes qui jouez, notamment sur cette fameuse page Facebook eh Grand oui, Matin. Et c'est important puisqu'il y a des invitations pour aller au cinéma, mais surtout, surtout, grand tirage au sort vendredi pour repartir avec votre croisière sur un catamaran pour deux personnes. Alors postez vite la photo de votre petit déjeuner sur la page Facebook de Grand Matin. Une On a photo. De tout, hein. Et c'est tout, des cadeaux à la clé. On a de tout en photo, hein, des marmailles qui prennent leur petit-déj, des plateaux de fruits, mais des fois on ne sait même pas quel fruit il y a sur le plateau. Tu ne connais pas. Si vous êtes... oui, mais toi non plus, c'est ça le problème. Entre un avocat et un papaye. Oui, seulement, elle a un grand écran, Isa. Moi j'ai un petit écran, donc forcément, de loin... On peut des fois se tromper. Excusez pourri. Ouais, j'essaye quand même de me rattraper comme je peux. Bon allez, on va sur les routes, avec les bruits. Vous êtes à Saint-Paul, Yves. À Saint-Paul, chaussée royale. Alors déjà, pour vous dire qu'il n'y a pas de poids lourd en panne, ou il n'y a plus de poids lourd en panne sur l'axe mixte. S'il y en avait un, il n'y est plus. Donc la circulation se fait normalement dans les deux sens, sur cet axe qui évite donc une partie de la 4 voies, notamment le pont de la rivière des Galets, le pont métallique. Voilà, circulation correcte pour tout le monde là-bas. La circulation chargée à l'échangeur de Plateau-Caillou après Melmen. Tout ça très très dense. Une petite zone roulante avant d'arriver sur Savannah. Ça recoince un peu après. Et puis la chaussée royale en extrémité avant le giratoire Sabani est plutôt roulant. Attention, de l'autre côté, là où je me trouve, vers le centre-ville, le carrefour Poivre, c'est-à-dire en bas des rampes. Ce carrefour à feu est au clignotant orange. Attention à respecter les priorités à ce niveau. Et puis un coup de gueule vis-à-vis d'un chauffeur de bus qui se croyait sur un scooter à la vitesse où il roulait. Enfin, car l'autre était un autre car. Ici, chaussée royale. Enfin, bref, il y en a qui se précipitent pour éviter les feux tricolores qui se déclenchent rapidement. Bonne chance. Eh bien, on reste prudent. Merci, rendez-vous tout Bonne à route. L'heure. 6h30 oui. sur la première. Le journal de la rédaction, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Des hébergements pour les randonneurs, mais d'autres aussi pour les touristes plus aisés. Voilà les projets d'écologe et d'écogite pour le volcan, des projets dévoilés un peu plus encore par le département. Nous ferons le point avec Johan Adamadorassi. Nicolas Sarkozy soutient Didier Robert, qui lui soutient Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État se félicite de cette situation après la brouille entre le président de la région et François Fillon. Vous l'entendrez. Ne plus jeter le reste des assiettes au restaurant. On y pense de plus en plus. Opération spéciale la semaine prochaine. Présentation dans ce journal. Et puis on parlera de sport scolaire. C'est aujourd'hui la journée nationale. Il en sera aussi question avec l'invité de la matinale, Thierry Grimaud, le délégué départemental de l'UCEP. Rendez-vous à 7h15. C'est un endroit sensible. Un incendie s'est déclaré hier soir au Maïdo, au niveau de la route d'Ilet Alcide. Il s'agissait d'un feu de pâturage et de broussailles qui a nécessité tout de même l'intervention de 7 engins et de 25 pompiers. Les moyens ont permis d'éteindre le sinistre, mais 3 hectares sont partis en fumée. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de ce feu. Autre endroit très sensible, la zone du volcan, à la une en ce moment avec l'éruption en cours. Dans l'actualité également, avec le projet d'un écologe. C'est un projet du comité d'orientation stratégique du tourisme, le COST. La semaine dernière, ce sont en fait deux projets qui ont été dévoilés ou précisés. La création d'un écogite et d'un écologe au volcan. Il s'agit d'hébergements de gammes différentes qui seront situés au plus près du piton de la Fournaise. Les précisions de Johan Adamadorassi. 10 500 nuitées, c'est ce qu'enregistre le gîte du volcan en un an. Une fréquentation record pour une structure qui n'est plus adaptée, d'où la décision du COST de la reconstruire en écogite. Un projet qui verra sa capacité d'hébergement passer de 66 à 100, avec des offres qui répondent aux besoins et aux porte-monnaie de tout à chacun, selon Nassima Dindar, la présidente du département. Autre nouveauté, un restaurant qui accueillera aussi les visiteurs qui veulent juste profiter du repas. 60 groupements d'architectes ont répondu à l'appel à projet il y a un an. 4 ont été présélectionnés. Fin septembre, une commission va choisir celui qui se chargera de cette opération. S'en suivra ensuite une année d'études avant le début des travaux estimés à 7 700 000 euros. La livraison de la nouvelle structure est prévue courant 2019. Et bonne nouvelle, selon le département, les travaux ne perturberont pas la fréquentation du gîte. En ce qui concerne l'écologe, l'établissement haut de gamme qui vient compléter l'offre de l'éco-gîte, on en est aujourd'hui au balbutiement. L'appel à projet va être lancé début 2017. En même temps, le COST lancera une concertation auprès de la société civile et la population. Johanna Damadorassi. Politique avec les primaires en vue de l'élection présidentielle l'an prochain, Europe Écologie Les Verts vous appelle à y participer. Le parti écologiste a décidé de mener sa propre candidature sans alliance à gauche. Le scrutin en vue de désigner le candidat se tiendra en deux tours par voie postale en France et par internet pour La Réunion en particulier. Si vous avez plus de 16 ans, vous pouvez vous inscrire avant le 1er octobre sur le site internet du parti. Il faut s'acquitter de 5 € et signer une charte des valeurs. Le secrétaire régional Jean-Pierre Marchaud espère que les réunions seront nombreux à se prononcer. Nous souhaitons que les Réunionnais qui s'interrogent sur la protection de l'environnement participent à cette primaire. C'est pour nous un point essentiel dans la mesure où nous souhaitons que demain, dans l'élection présidentielle, il y ait un ou une candidate qui portera la parole de l'écologie, ce qui sinon risque d'être cruellement absente vu qu'on va retrouver les mêmes candidats qu'en 2012. Donc ce que j'attends demain du ou de la candidate qui sera choisie, c'est qu'il se positionne sur ce fameux chantier. Alors ce chantier est commencé aujourd'hui effectivement, mais nous souhaitons, nous voulons qu'il y ait un audit financier et environnemental sur ce chantier, parce que c'est une chose que nous n'arrivons pas à voir. Nous savons qu'il y a une grave dérive financière dans les coûts qui seront engendrés par le chantier. Donc nous souhaitons que demain, le candidat ou la candidate qui sera présent prendra une position sur ce point-là. Jean-Pierre Marchaud, interrogé par Gaël Le Dantec. Les candidats pour cette primaire sont l'ancienne ministre Cécile Duflot et 3 députés européens, Yannick Jadot, Michel Rivasi et Karima Delli. Vous aurez noté qu'il y a 3 femmes candidates et un seul homme. Ce n'est pas si courant. Chez les Républicains, il n'y aura qu'une femme en lice, Nathalie Kosciusko-Morizet. Et ce n'est pas elle qui a choisi de soutenir le président de région, Didier Robert. Il a signé le parrainage de candidature de François Fillon et celui de Nicolas Sarkozy. Et c'est bien l'ancien président de la République qu'il souhaite voir revenir à la tête du pays. Interrogé sur ce changement de soutien, Nicolas Sarkozy trouve qu'il n'y a pas matière à discussion. De son côté, il a renouvelé sa confiance à Didier Robert. Didier Robert est un homme loyal. C'est un homme compétent et loyal. Et vous savez, les hommes loyaux, c'est pas si fréquent. Et quand il a vu les déclarations de tel ou tel candidat à mon endroit, il a dit, mais ça, c'est pas possible. Eh bien, je veux le soutenir et je veux l'aider. C'est très important pour moi. Et je veux dire, à La Réunion, comme j'ai dit pour la Martinique avec un de mon plaisir, mais à La Réunion pour Didier Robert, que je n'oublierai pas la fidélité de ces deux personnes et au fond la fidélité de ces deux îles, qui sont deux îles que j'aime beaucoup. Et je n'ai pas l'intention que la République française tolère des injustices et des inégalités entre ces territoires. Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire à droite, répondait à Célia Cléry. 6h36 sur la première, la suite du journal, Cécile Thomas. Justice, cette question aux assises depuis hier. Marie-Judy Olivier a-t-elle eu l'intention de tuer Rudy Blard le 11 avril 2013 à Saint-Benoît? La jeune femme a déjà été condamnée, mais elle avait fait appel du jugement. Pour se défendre, elle a réaffirmé que son geste était un réflexe, rien de plus. Elle avait poignardé son concubin en plein cœur. Pour elle, ce coup de couteau était la manifestation d'un ras-le-bol généré par des disputes incessantes au sein du couple. Pour son avocate, c'est un dossier de violence conjugale qui doit être jugé. Maître Marie Brio. Le jour où ce drame est arrivé, tout son monde s'est écroulé. C'est franchement la dernière chose au monde qu'elle souhaitait, évidemment, puisque son rêve, c'était de donner à son enfant ce qu'elle n'a pas eu, c'est-à-dire un papa, une maman, une famille soudée. Elle a toujours dit, y compris les choses qui n'étaient pas favorables pour elle. Elle a toujours dit la vérité, que le couteau, elle l'a pris en bas. Elle a été extrêmement honnête depuis le début. Aujourd'hui, elle a raconté avec énormément d'émotion. Elle arrivait à peine à parler tellement elle pleurait le déroulement des faits de cette journée-là. C'est un garçon qui avait sûrement d'énormes qualités, mais qui malheureusement buvait, qui malheureusement fumait du Zamal, et quand il était dans cet état-là, il ne se contrôlait plus. Pour moi, c'est un dossier de violence conjugale. Alors, ce n'est pas forcément le pire dossier de violence conjugale, mais c'est des violences qui sont latentes, qui sont toujours un peu là, parce qu'il y a ce fond d'alcool, parce qu'il y a ce Zamal, et cette peur des retombées de violence. Je pense que c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce drame. Maître Marie Briot interrogée par Nadine Bachelot. La partie civile va commencer sa plaidoirie ce matin. Le verdict est attendu dans la journée. Et puis justice toujours. Bernard Boyer est poursuivi pour violence avec arme. En l'occurrence, des barrières de sécurité. Information de nos confrères du journal de Lille. Le père du cycliste Jonathan Boyer a été placé en garde à vue hier. Il a dû s'expliquer sur son geste lors de la première journée du Tour de Lille. Cycliste, il avait lancé des barrières sur la route devant deux coureurs qui étaient en plein sprint. L'un d'eux a eu la clavicule cassée. Jette plus, c'est encore bon. Voilà ce que vous pourrez entendre dans certains restaurants la semaine prochaine à l'occasion de la fête de la gastronomie. Ça vous concerne si vous avez du mal à finir votre assiette au restaurant. Ce n'est pas le cas d'Isabelle Waro qui finit toujours bien son assiette. L'association Jette Plus mobilise pour faire la chasse au gaspillage alimentaire. Renaud Gillard est propriétaire de deux des trois restaurants qui participeront à l'opération. Je pense qu'il faut souligner qu'à La Réunion, on a quand même cette culture, même quand on va au restaurant, on n'a aucune honte et aucune gêne de prendre une barquette pour récupérer ce qu'on n'a pas consommé. Et ça, je pense que dans l'état d'esprit français et latin, le Réunionnais a une grosse marge d'avance. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'entre guillemets qu'il faut mettre en avant, cet état d'esprit entre guillemets de recyclage. Je pense qu'il faut l'inculquer, le renforcer, le dire à nos enfants et pourquoi pas le transposer au niveau national. Cette année, on aura des hôtesses qui vont parler avec les clients en fonction de ce qui reste dans les assiettes, aller voir le consommateur et lui dire voilà, est-ce que vous êtes intéressé pour récupérer vos restes? Nous vous proposons une barquette et un conditionnement adapté pour ramener chez vous. Le but, bien sûr, ce n'est pas que l'aliment reste toute la nuit dans la voiture ou autre, mais c'est vraiment de lui faire passer un message et de lui faire prendre conscience. Et petit à petit, je pense qu'on y arrivera. Renaud Gillard, également deuxième vice-président de l'association Jette Plus. Il était interrogé par Johan Adama Dorassi. C'est aujourd'hui la journée nationale du sport scolaire. C'est aujourd'hui la journée nationale du sport scolaire. Pas d'autres matières au programme ce matin. Pour de nombreux élèves, il faut chausser les baskets. Hier à Saint-Pierre, on a pris un peu d'avance. Plus de 500 marmailles étaient réunies au complexe sportif Nelson Mandela. Pour la cinquième année consécutive, les professeurs d'EPS du collège de Terre-Sainte ont réuni les élèves de CM2 des écoles du secteur et ceux de 6e pour leur permettre de tester plusieurs disciplines sportives. Les précisions de Anne-Laure Marchal. Elle est professeure d'EPS. Chaque enfant, que ce soit en CM2 ou en 6e, découvre différentes pratiques sportives, que ce soit des sports de raquettes, des sports de collectif, des sports de pleine nature comme l'escalade, des sports, il y a tout type de sports, parce qu'il y a également l'art du cirque, il y a de la danse, il y a de la boxe, donc voilà, les activités de duel, pour qu'ils découvrent au maximum des activités, qu'ils aient envie ensuite de pratiquer le sport aussi bien à l'école, à travers l'UNSS, enfin l'AS, ou pourquoi pas dans un club. Donc voilà, leur donner l'envie de faire du sport. Il y a beaucoup d'échanges entre le primaire et le collège, donc il y a vraiment une liaison maintenant qui est faite, quoi. Et même en EPS, maintenant, on commence à travailler avec les CM2, donc CM2, 6e, ça marche bien, quoi. Anne-Laure Marchal, professeure d'EPS au micro de Pierre Comorassami. Et l'on reparlera de sport pour les marmailles avec l'invité de la matinale ce mercredi, Thierry Grémaud, le délégué départemental de l'UCEP Réunion, l'Union sportive des écoles primaires. Il répondra aux questions de Philippe Dornier. Rendez-vous à 7h15. Un peu de sport, Isa. Bien sûr. Toi qui finis tous les plats. On finit son assiette et on fait du sport. Moi, je voulais quand même mettre un petit bémol. Elle finit pas tous les plats. La salade à la cafette, c'est quand même plus difficile que la côte de porc. C'est quand même plus. Veille pas l'assiette de son voisin. Je répète. De toute façon, on jette plus. À tout à l'heure, Cécile. 6h41 sur la première, et le sud est sous les averses. Surtout le sud-est, entre Sainte-Rose et Saint-Philippe, avec pas mal de pluie, notamment du côté du Baril. Toute cette nuit, il a plu, il continue de pleuvoir en début de matinée. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur 06 92 70 2000. Et le temps est bien nuageux, sur toute la partie sud, Saint-Pierre aussi, les hauteurs, la plaine des Cafres, c'est quand même encore assez sous les nuages. Ça va se dégager progressivement, le soleil va revenir, et il est déjà présent dans le nord, notamment à Saint-Denis. Un soleil qui sera pas très chaud, il faut le dire, les températures qui sont fraîches ce matin, à peine 3 degrés à la plaine des Cafres, 7 à Sillaos et 4 au Maïdo. Et Nathalie sur Facebook nous précise qu'à Elbourg il fait très froid. C'est pareil à Salazie, ça va se réchauffer un petit peu cet après-midi, 25 degrés attendus sur le littoral, avec des nuages qui vont s'installer sur le nord et le nord-ouest, notamment la Possession, la région de Salazie justement. Il fera gris sur ces régions, le littoral gardera lui une impression de beau temps. Et puis pour ceux qui vont en volcan, a priori, on devrait quand même avoir des périodes d'éclaircies sur le piton de la Fournaise, mais avec du vent, donc couvrez-vous bien. Il y a déjà 50 km/h de rafale, là, le vent va se renforcer sur cette région du volcan. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vous êtes à la sortie de Saint-Paul. Oui, direction la route des plages. Je vais aller faire, pour aller faire un petit tour du côté de Saint-Leu, où il y a des travaux qui démarrent ce matin, la suppression de la voie de dépassement à la sortie de Saint-Leu au niveau de la pointe des Châteaux, cette partie de route où il y a trois voies, donc en remontant vers la Grande Ravine, et bien donc ce créneau de dépassement va être supprimé. Donc là, la neutralisation de la voie de gauche pour réaliser ces travaux, c'était prévu, hein, donc après la route des Tamarins, ça met du temps, mais donc pour réaliser et pour casser un peu les vitesses et sécuriser les cyclistes, eh bien on réduit les zones de dépassement. Alors, en ce qui concerne le trafic, eh bien, c'est toujours ralenti à hauteur de l'échangeur de Plateau Caillou, toujours une bonne partie de la route digue jusqu'à Savannah et un peu vers Cambay. Après, ça roule un petit peu mieux. Pas de soucis sur l'axe unique, la circulation se fait correctement et surtout la bonne nouvelle, à l'entrée ouest, il n'y a pas encore de ralentissement à l'entrée de Saint-Denis en provenance de la route du littoral. La circulation fluide également sur le pont Vinsane, les tranchées, et une entrée est sans difficulté. Même le Lancastel, il y avait un peu de monde tout à l'heure, c'était plus le cas au niveau du pont Pasteur, notamment pour rejoindre le Barachois. Voilà, il s'est arrêté de pleuvoir, mais la chaussée est complètement trempée après la grosse averse, notamment sur la 4 voies entre le Tampon et Saint-Pierre. Restez très prudent pour descendre. Il fait frais sur la moto, Yves? Courage. Il faisait frais ce matin, mais c'est vrai, il faisait frais. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. 6h44 sur Première, excellent réveil avec nous, excellente route à tous aussi, et puis bon début de journée à tous ceux qui sont déjà au boulot. On salue Grégory, on salue Marie, Mar, Jujube, pas mal comme pseudo ça sur Facebook, Marie-Mar, Jujube. Marie-Mar, Jujube, coucou, bah oui. Et bisous à Marie-Mar, Jujube. C'était qui Marie-Mar? C'est un mélange de Jujube et de Marie-Mar, bah oui, Marie-Mar, la télé-novela. Ah, tu aimais ou pas? Bah non. Moi, regarder une télé-novela, mais attendez. Non. Bon, mais par contre, ceux qui la regardent, moi, il n'y a aucun problème. Hein. Sauf qu'il ne faut pas que ça soit sur ma télé. Faut pas que ça soit sur ma télé. On salue Sasa. On salue Sasa qui est avec nous aussi. Oui. Petit déjeuner envoyé ce matin. Et pour vous, peut-être, vous voguerez sur la mer. Enfin, vous envoyez votre photo de petit déjeuner seulement si vous voulez gagner des cadeaux. Oui. Très seulement belle si vous avez envie de repartir avec des invités pour le ciné ou une croisière vendredi. C'est on comme vous fait vous voulez, voyager hein. Avec croisière et découverte sur le Catapassion. Ça, c'est peut-être pour vous. C'est ce week-end, à condition d'envoyer sa petite photo sur Facebook. Eh ben oui, Oté. Le Lecci, lui, n'a pas envoyé sa photo. Par contre, il met des claques chaque jour, comme ça. Il parle de mobilité cette semaine. C'est ça. Et le coût de téléphone, ça coûte cher. Bah oui, mais en même temps, tu sais, quand on marmaille, tu te dis loin, là, ben, t'es nostalgique, hein. Ouais, c'est vrai. Oh, bon. C'est dur. Le Lecci, vous envoie quel quotidien? TikTok la quitte la Réunion, la partie fait ses études dans le pays la frais et tous les jours son moment il chante le même chanson dans la case. Les photos dans la maison me font rappeler les jours quand je te portais en moi et je rêvais de toi. Depuis où la saute la mer ou la partie loin là-bas, puisse l'avion te ramener vers moi. Alors forcément, il essaye d'avoir son garçon au téléphone autant que l'y peut. Son GSM l'a devenu une drogue pour Lisa, du coup son forfait les plus endettés que la commune Saint-Louis. Et attention si le coup de fil son garçon est en retard, le moment y affole. Milissiola arrive à lien à faire, Lila tombe dans l'escalier, son résidence, son corps en train d'être mangé par un chien errant en ce moment. Ou pire, son métro l'a eu un accident, Lila écrasé d'un wagon, mon pauvre garçon. Et qu'importe que ça son mari, peut y aller pour rassurer Ali, il y croira pas. Non mais chérie, affole pas, il habite au rez-de-chaussée, il y prend pas le métro pour l'université, il marche à pied. Ou connaît pas, ou milieu que l'arrive à rien à faire, moi, mon instinct maternel, il trompe pas ça, ou peut pas comprendre où l'un bonhomme. Du coup, quand enfin le TikTok y appelle... Allô, maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Ou laisse, y a pas la moindre 10 fois, mais elle est morte, quoi. Non, mais là, diamant que t'appelles 20h, elle est déjà 21h, m'a pensé que l'avait arrivé à moins d'affaires, moi, ou répondre pas téléphone non plus. Mais avait plus de batterie et nous la passe en heure d'hiver, donc m'y connaît plus quelle heure, famille t'appelle à où. Mais désolé, maman. Refais plus à mon garçon, hein. Et là, c'est parti pour une discussion pour savoir qu'est-ce qu'elle y fait, s'il y mange suffisamment bien, s'il y a pas trop froid, s'il est bien habillé, s'il y a mettre un caleçon propre dessus le grand matin. Durée de la conversation, environ 2 heures, ce qui est très loin des 5 minutes qu'il passe avec son père. Où il est bien? Oui? Tant mieux. Vous voulez m'y passer à autre moment? Enfin, ça, c'est si le mama, il n'a pas une affaire plus pointue à demander son papa. Attends, papa, est-ce qu'on peut rappeler à moi comment il marche un tableau électrique, s'il vous plaît? Mon garçon, mais il a 8000 km, comment veut m'y aider avec un affaire pareil? Mais contrairement à ce que la fière mère réunionnaise pense, parfois c'est le papa qui a le fin mot de l'histoire sur certaines choses. Bon, maintenant que m'expliquer comment il marche un panneau électrique, ou peut dire à moi avec quelle tantine ou l'été pour appeler tout mon moment en retard? Ma papa, comment on connaît avec la tantine? Appelle ça l'instinct paternel ou. Mes filles azote mama, c'est pas un petit coq ça à prendre la vie à un vieux coq bataille.

Tokyo, Angoon et Florent Pagny, qu'on aime bien ici. C'est notre coup de cœur de Grand Matin avec nos vies parallèles. Oui, un titre à retrouver sur l'album d'Angoon, toujours un ailleurs. Allez, on passe aux unes de la presse avec Cécile. Et Cécile, on va commencer par un témoignage en une du quotidien ce matin. Oui, celui d'Antoine, il est handicapé, il se déplace en fauteuil et il raconte la galère pour se déplacer. L'accès au bus est toujours aussi difficile, écrit le journal. À Saint-Pierre, sorcellerie sur la tombe de Citarane. Bétail malade des éleveurs ruinés appelle à l'aide. Écologe au volcan, comment concilier nature et tourisme? Les 40 ans du quotidien, la rubrique se poursuit avec aujourd'hui le retour sur la journée d'hier. Le quotidien fêtait ses 40 ans tout rond. Et puis en sport, en football, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain accroché par Arsenal. Score final, un partout. Aïe, aïe, aïe. Une rentrée à plus de 3000 euros en une du journal de Lille. Des milliers de réunionnais partent étudier en métropole et 3000 euros, c'est l'estimation de ce que ça coûte. À Chamborne, un gérant de rond, de coq condamné, primaire à droite, Didier Robert affirme Sarkozy apporte des garanties à la Réunion. Tour de l'île cycliste, le père de Jonathan Boyer poursuivi en correctionnel. Dans la presse nationale, les impôts locaux qui augmentent en une d'aujourd'hui en France. L'escalade, titre le journal. Depuis 2007, les recettes issues de la taxe foncière et de la taxe d'habitation ont bondi de 51%. Une hausse inédite qui mérite des explications, écrit le journal. En foot, Paris a trop raté. Et puis conso, les Français craquent pour les bonbons, nous dit aujourd'hui en France. Les Français et leur travail en une du journal Le Monde. Enquête sur ces millions de Français qui multiplient les métiers pour s'en sortir. Opticien et chauffeur Uber, commercial et livreur, entre 2,3 et 4 millions de Français, selon les estimations, cumulent les emplois sur une semaine, souvent par nécessité économique. Autre titre, Dominique de Villepin, entendu par la justice sur la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy. Et puis le pari périlleux de la Corée du Nord, Pyongyang, veut se doter de missiles capables d'atteindre les États-Unis. Les 20 tirs intervenus depuis janvier inquiètent le Japon. Islamisme et déradicalisation, une du Figaro. Le pari incertain de la déradicalisation, écrit le Figaro, l'ouverture du premier centre de prévention et d'insertion par la citoyenneté à destination d'individus jugés récupérables suscite un certain scepticisme. Autre titre, emballement politique autour du dossier Alstom à 8 mois de la présidentielle. Alstom également en une de Libération. Un sauvetage à grande vitesse, écrit Libé. À quelques mois de la présidentielle, la fermeture du site de Belfort serait malvenue pour l'exécutif. Le constructeur a accepté de rouvrir les discussions. Autre titre, du NPA au Front National. Et puis autre article ce matin dans Libé sur le mal-être infirmier. Pour l'équipe ce matin, c'est la saison des vendanges. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et Arsenal ont fait match nul un partout. Paris a trop gâché, écrit l'équipe. Mais il y a un joueur qui a tout vendangé. Oui, pathétique Cavani. Pathétique Cavani. Alors il a marqué. Et il a quand même marqué minute. Un but. Ouais, il a et marqué puis la première. Suite. Ouais, bah oui, il a vendangé tout après. Donc, ah, bon. Jamais satisfait. Allez, fais où allez, fais Oui, bah oui, enfin bon. Pathétique. Pathétique, oui. Enfin, Cavani, on a habitué. En tout cas, c'est la saison des vendanges. C'est la saison des vendanges, c'est ouais, comme ça. Oui, ouais, c'est clair. Hein. Bon, bah, pendant ce temps-là, le PSG ne gagne pas. Merci, Cécile. Grand matin, l'appel réveil. Ah oui, un supporter du PSG aujourd'hui, très en colère. Hein. Je le suis, et il n'y a pas que moi à mon avis. 6h55... Est-ce qu'il faut finir ça? Oh là là, je te jure. Non, je ne le ferai pas là aujourd'hui. 6h55 ah, sur première. Ah, c'est l'heure de réveiller un Moon. On va réveiller un Moon, on va réveiller une Moon. Ah oh, oui. Une Moon, elle s'appelle Katiana Castello. Vous la connaissez tous les soirs, bien sûr. Vous pouvez la voir avec l'audio dans ça Allons même. Chanter. Ça eh oui. Du lundi au vendredi. Oui, au thé. Et même le matin, rediffusion, là, un petit peu oui. Après. T'as le lendemain, t'es en train de veiller à elle. Avant 7h, bah, ouais, effectivement. C'est ça. Katiana bonjour, Castello est avec nous. Bonjour. Ah, ah. Fais pas exprès non plus, hein, Cathy. Hein, bon. Oh, le faille réveil. C'était mal joué, ça. Hein, très mal joué. On aurait dit Marion Cotillard qui meurt dans Batman. Allez, refais. Bon. On te laisse refaire. Je la refais. Fais bien. Oui. Voilà. Bon. Bien mieux. Cathy, on te retrouve prochainement dans Kid Creole 2. C'est la deuxième saison. Absolument. Oui, oui, oui. Nouvelle aventure. Et qui dit Kid Creole dit Marmaille. Forcément. Oui. Bah, il faut s'inscrire. Voilà, on est en pleine campagne de recrutement, justement. Alors, vous avez jusqu'à la semaine prochaine, hein, pour les enfants qui sont âgés entre 8 et 15 ans, mm-hmm. qui ont du talent, qui aiment chanter, qui ont envie d'en faire leur métier ou tout simplement se faire plaisir. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire sur le site Kid Creole, donc c'est un site internet. Mm-hmm. On vous explique tout dessus, de A à Z, comment faire. Ensuite, on va visionner ces prestations et on va faire déjà un pré-casting en fonction des candidatures qui auront été proposer. Alors au final, combien de marmailles vont être retenues, Katiana ? On aimerait élargir un petit peu plus, après il faut voir comment ça peut se faire, ouais. À une cinquantaine déjà au départ. Mmh. Oui. Donc en pré-casting, et ensuite il faudra réécouter pour ensuite en choisir une vingtaine. Voilà. On a jusqu'à la semaine prochaine pour s'inscrire ? Absolument, jusqu'à la semaine prochaine, donc il faut se dépêcher. Il y a un âge limite ? 15 ans. 15 ans, on est bien d'accord pour s'inscrire à Qui Créole 2. Et puis on te retrouve aussi vendredi dans le JT, c'est ça, pour une nouvelle rubrique culture que tu prépares depuis la rentrée. Oui, depuis le 26 août, donc 3 minutes de culture tous les vendredis. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer vos propositions. Mmh. Je me rends compte que ça bouge à La Réunion. Bon, bah oui, bien sûr voilà, que ça bouge. Exactement, théâtre, cinéma, concert, il y en a de tout. Oui, il y a de tout. Et c'est assez extraordinaire de voir les manifestations isolées aussi, de les mettre en lumière. Donc c'est assez sympa. Et on t'envoie tout ça où, si on a des manifestations culturelles à promouvoir? Sur ma page Facebook, hein, j'ai fait simple. Katiana Castello. Sinon, on peut donner ton portable, 06 82. Pardon. Oui, alors d'ailleurs, justement, à ce sujet, Cathy, tu sais que tu es le fantasme de beaucoup d'hommes. Il y a Ludovic qui le demande, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Enfin, comment tu te réveilles? Voilà, il voudrait peut-être savoir comment tu es habillée, je ne sais pas, je pose la question. Alors, Ludovic, j'ai un déshabillé japonais que j'aime particulièrement. Oui. Ah bah ça y est, il y a François, notre technicien, qui est parti, on ne sait pas. Alors peut-être je crois qu'il va à sa voiture, c'est ça. Je suis en train de prendre mon café, c'est bien. Je suis réveillée depuis à peu près 4h30. Quand même. J'étais matinale, oui, mais je suis restée dans le lit, j'ai cogité. Bien sûr. Là, j'ai pris mon café, dans un instant, je vais prendre mon petit-déj, un petit jus d'orange, un petit jus de thym encore frais, quelques biscottes, et après, je vais me préparer pour... En fait, elle est en bas journée. De jogging. C'est ça. Hein, de fin de veille télé. Et puis mais voilà. Bon, il faut garder. Ah non, jamais télé le matin. Elle n'est pas comme ça. Non. C'est bien. Non, Isa, Mika, je tiens, mais dis-moi, jamais de télé le matin. Ah non. Bon, c'est bien. Parfait. Merci, Katiana. Bah non, elle écoute Grand Matin. Bah, pas elle a bien télé. Raison. Bah oui, c'est ça. Bon. Salut, Cathy, bonne journée. Allez, bonne journée. En file au giratoire sud de Saint-Gilles avec vous, Yves. Oui, donc à l'extrémité de l'ancienne 4 voies de Saint-Gilles, attention bientôt à un autre giratoire dont les travaux ne vont pas tarder à se faire voir. Donc à l'entrée nord de Saint-Gilles, donc un giratoire est également au programme à ce niveau avec déplacement du petit temple tamoul, donc qui va retrouver sa place d'origine qui était côté montagne à l'époque, avant qu'on fasse cette déviation de Saint-Gilles il y a 25-26 ans. Le trafic se fait avec peu de problèmes ici, avec un trafic dense sur toute la partie route des plages depuis Saint-Gilles jusqu'à Saint-Paul. C'est un flot continu de voitures qui descend vers le cap là où c'est le cap La Marianne avant de retrouver Saint-Paul, soit par l'accès à la chaussée royale, soit par le front de mer. Donc il y a du monde. Attention, je rappelle que le feu est toujours clignotant orange au niveau du carrefour Poivre en dessous des rampes. Donc restez prudents avec la priorité. Pas de changement toujours les changements de plateau, mais même un petit peu en dessous des changements de plateau caillou. Par contre, attention sur la route du littoral, il y a une zone de ralentissement qui s'étale pratiquement de la ravine à Jacques, donc 1 km à 1,5 km après la grande chaloupe, et qui va jusqu'aux Potences. Mais après les Potences, c'est l'effet soleil. Mais ça roule jusqu'à l'entrée ouest de Saint-Denis, c'est assez étrange. Donc comme ralentissement, donc sous le tunnel vous roulez correctement et même jusqu'au carrefour avec la route de la montagne. Ça coince, ça y est, sur le pont Vinsan et c'est déjà chargé à peu près sous la tranchée. On l'imagine. Côté montagne. Non. L'entrée est encore fluide, mais c'est très dense, notamment encore la marine et puis également le secteur du Verger. Très dense. Nouveau point juste après le journal. Merci Yves. Yves. Et le journal de 7h est présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Elle a tué son concubin, mais parle de réflexe. Marie-Judy Olivier, jugée depuis hier aux assises, un procès en appel. L'an dernier, elle avait été condamnée à 14 ans de réclusion. Verdict dans la journée. Des recruteurs, des offres d'emploi et des jeunes motivés. C'était hier sur le champ de foire de Brapanon. Le site accueillait la 7e matinée de l'alternance de l'Est. 700 jeunes ont fait le déplacement. Reportage à suivre.

Ses médecins indiquent qu'il se trouve dans un état grave, mais stable. Prix Nobel de la paix, ancien président d'Israël de 2007 à 2014. Shimon Peres a permis la signature des accords d'Oslo en 1993. Accord synonyme d'espoir entre Palestiniens et Israéliens. Après 13 ans de gauche au pouvoir et après la destitution de la présidente Dilma Rousseff, le Brésil lance un vaste programme de privatisation. Le but, c'est de relancer l'investissement dans un pays en pleine débâcle économique au programme privatisation d'aéroports, de routes ou encore d'électricité. L'UEFA va tourner la page. Platini, aujourd'hui, lors de son congrès à Athènes, l'instance du foot européen, doit élire un successeur à Michel Platini, sanctionné dans l'affaire d'un paiement controversé de 1 800 000 euros. Le nouveau président de l'UEFA sera soit le néerlandais Michael Van Praag, soit le slovène Alexander Šeferin. Le PSG neutralisé par Arsenal au Parc des Princes hier soir lors du premier match de poule de la Ligue des Champions. Le club parisien tenu en échec un partout sur son terrain malgré un but en début de première période signé Cavani. La France 16e du tableau des médailles des Jeux Paralympiques de Rio avec une 4e médaille d'or grâce à Fabien Lamiro en ping-pong et une médaille de bronze aussi en 100 mètres nage libre catégorie S10 pour Elodie Laurendi. Il est 7h13 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Michael, que ça a fait soleil là? Reviens pas. Eh ben, normalement, d'après ce que dit Météo France, il va revenir le soleil. Déjà, il pleut moins que tout à l'heure sur la région. Pointe là sur Saint-Denis. Oui, mais on parle du sud déjà, parce que dans le sud, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas du tout. C'est plutôt gris en tout début de journée dans le sud. Dans le sud-est, il s'est presque arrêté de pleuvoir, mais il pleut toujours sur les hauts de Saint-Joseph et sur la région du Piton-Sainte-Rose. Mais plus on va vers le nord, plus le ciel est dégagé. Puis d'une manière générale, les éclaircies vont venir à peu près partout sur le département. Température fraîche ce matin, 4 degrés à peine au volcan, 6 à la plaine des Cafres et 18 tout de même au port. Là, à 7h13, au moment où je vous parle, température qui vont remonter grâce au soleil. Puis ensuite, milieu de journée, des nuages sur la Possession et Salazie. Des nuages qui ne seront un peu moins présents sur le littoral. Impression de beau temps qui va dominer, mais avec du vent qui rafraîchit les températures. 25 à degrés à peine sur le littoral en moyenne. Et du vent à 60-70 km/h sur le nord, le sud et le volcan aussi. Si vous allez voir l'éruption, couvrez-vous bien. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. On fait un point trafic tout de suite. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et vous êtes à la Grande Ravine. Oui, elle est ici, il y a du soleil et il ne pleut plus du côté de Grand-Bois. La chaussée est toujours bien mouillée là-bas. Par contre, elle sèche assez vite sur la 4 voies du tampon. Alors, attention, il n'y a pas de problème en tout cas pour passer mon caprice actuellement. Trafic soutenu entre Saint-Louis et Saint-Pierre, la descente du tampon également. Et puis en arrivant de Saint-Joseph, hein, bien entendu, la descente de entre la sortie de Manapani, donc petite île pour retrouver Grand-Bois, le rond-point de la Caffrine notamment. Pour ce secteur ouest, pas de changement, toujours échangeur de plateau caillou avec un peu plus de difficultés pour passer le cap Laousset. Donc à partir de Boucan, à hauteur du Cap Champagne, attention, quelques ralentissements en ce moment. Pour la route du littoral, c'est toujours après la grande chaloupe pour le début des difficultés, et toujours jusqu'au Potence. Après, le ralentissement est au giratoire, après la caserne Lambert, avec un pont d'Insane et des tranchées qui sont encombrées. Et puis ça y est, ça se remplit à l'entrée est de Saint-Denis. De Gillot jusqu'au front de mer, la circulation plus difficile. Et il y a encore, bien sûr, des difficultés assez importantes entre Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, bien entendu, à cette heure-ci. Bonne route, prudence, avec la chaussée glissante dans le sud. À tout à l'heure. Vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. À suivre l'invité de Grand Matin, Thierry Grimaud, délégué départemental à l'Union sportive des écoles primaires. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message à Coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Je passe un petit message à mon chéri, à qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Claudio Gaillard, on le roule, c'est galé. Vous avez le cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Pour rendre visite à ma mère, il me faudrait un hélicoptère. Alors pour l'anniversaire loto, j'aimerais bien gagner, s'il vous plaît, les 13 millions d'euros. Si, un peu plus, je prends. Pour les 40 ans de loto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La ville de Petite-Île présente la journée européenne du patrimoine le samedi 17 septembre de 9h à 17h30. Venez découvrir le patrimoine de la commune dans une chasse au trésor grandeur nature, des ateliers et des concerts. Découvrez les breads comme vous ne les avez jamais vus dans une conférence débat et un concours culinaire. L'après-midi, faites votre marché à l'Escale au pays du terroir. La journée européenne du patrimoine à Petite-Île, c'est le 17 septembre 2016 de 9h à 17h30 au centre-ville et dans les quartiers. Et il est 7h17 sur Première, à suivre donc l'invité de Grand Matin sur votre radio, mais aussi sur internet, réunionpourlapremière.fr. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Philippe, vous recevez Thierry Grimaud, délégué départemental de l'UCEP Réunion, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Thierry Grimaud, bonjour. Bonjour. C'est la journée nationale du sport scolaire ce mercredi, le sport qu'on considère comme quelque chose d'exemplaire pour les enfants. Mais quand ils voient l'accident des cyclistes avec la barrière sur le Tour de Lille, le public qui siffle Renaud Lavillenie au JO ou plus loin dans le temps, le coup de boule de Zidane. C'est pas difficile, après tout ça, de passer un message positif ? Non, parce que je pense que les enfants savent faire la part des choses. Il faut qu'on discute avec eux, puisque justement, l'objectif de l'UCEP, c'est un sport éducatif, c'est-à-dire que s'appuyer sur la pratique sportive pour éduquer les enfants dans différents domaines. Et donc, les valeurs de l'Olympisme sont toujours présentes. Après, il existe toujours des écarts de ce type. Mais je pense que ça nous donne encore des exemples, peut-être, pour montrer qu'à côté, il existe une multitude d'actions positives dans le sport. Et on met souvent les grands sportifs sur un piédestal, alors que leur attitude, elle n'est pas forcément irréprochable. Je ne donnerai pas de nom, mais bon. Oui, non, mais c'est clair que souvent, on a tendance à mettre, comme je dis toujours, les trains qui arrivent en retard, que plutôt parler de tous les trains qui arrivent à l'heure. Alors, il y a des choses qui se passent très positivement dans le sport, et puis l'action est toujours permanente. Je pense que c'est la même chose dans le cadre du développement durable. On met toujours l'accent là où c'est sale, alors qu'il y a des endroits où c'est très propre et où les gens font attention. Le sport, c'est l'école de la vie, c'est ça aussi que les enfants doivent comprendre? Oui, le sport, c'est une éducation. C'est une éducation, c'est un moyen. Nous, à l'UCEP, justement, l'objectif, la convention que l'on a signée avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est d'être complémentaire de l'école publique. Et donc, l'objectif, c'est de responsabiliser. Pour cela, on mène certaines actions. Et dans nos statuts, il y a obligation d'enfants qui sont élus par le camarade. Donc là, c'est l'acte citoyen de l'éducation à la citoyenneté. Et ensuite, ces enfants sont réunis pour pouvoir préparer une manifestation qu'ils organiseront dans leur association. Et donc, on ne veut pas que des enfants consommateurs, mais plutôt des enfants acteurs. Des enfants organisateurs aussi ? Organisateurs. C'est l'exemple d'aujourd'hui sur un des sites à Saint-Leu, où là, des enfants seront dans l'organisation. Ils ont préparé les ateliers et ils vont accueillir le petit camarade. Et ça, tout au long de l'année, on développe ces classes organisatrices où des enseignants vont travailler en amont avec les enfants sur les ateliers proposés et ces enfants vont organiser les rencontres, les CM2 pour les CM1 ou bien les CE2 pour les CP, même pour la maternelle. Et c'est quoi les barrières les plus compliquées à franchir pour ces jeunes ? Ben, je dirais que la barrière, ce n'est pas plutôt au niveau des jeunes. Je crois que c'est souvent au niveau des adultes. C'est plus de se dire, voilà, ils sont capables d'organiser. Les enfants, et souvent on se dit, oui, mais ils vont peut-être dire, non, mais nous, on ne joue pas. Non, les enfants aiment organiser, ils prennent des responsabilités, et même quelquefois, ils sont plus stricts sur le règlement que les adultes. C'est souvent au niveau des adultes qu'ils ont une certaine appréhension de confier à ces enfants des responsabilités. Ce mercredi dédié aux élèves partout en France, il va aussi servir à lancer l'année de l'olympisme de l'école à l'université. Là aussi, les valeurs de l'olympisme, elles sont sérieusement écornées avec des affaires de dopage, de corruption, et on demande aux enfants de ne pas tricher, évidemment. Oui, mais je pense qu'on demande aux enfants de ne pas tricher dans le sport, mais dans tous les domaines. On demande à ce qu'ils soient respectueux de l'autre. Et je pense que ce qu'on essaie de faire, puisque l'action qu'on mène aussi depuis quelques années avec les enfants, c'est de faire le lien entre leur comportement sur le sport. Sur un terrain de sport, ils jouent avec tous les camarades sans connaître sa religion, sans faire attention à sa couleur. Or, qu'est-ce qui se passe quelquefois quand ces enfants maintenant dans la cour de récréation, on va dire je joue pas avec lui parce qu'il n'est pas comme moi. Et donc on essaie de faire le lien de dire tu appliques des règles pendant la pratique sportive, ces règles sont aussi applicables dans la vie de tous les jours. Et donc je pense qu'il est intéressant qu'on utilise vraiment, le sport c'est vraiment le lieu où on peut mettre à bas des barrières et pouvoir travailler sur la citoyenneté. En toile de fond de cette journée, il y a aussi la candidature de Paris pour les JO de 2024. Comment les enfants de La Réunion peuvent la soutenir? Parce que ça peut paraître très loin encore, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Oui, oui, c'est très loin. C'est-à-dire qu'on a placé la manifestation au niveau national. C'est la 7e édition de la Journée nationale du sport scolaire. Et on a dit que l'école participe à Paris 2024. Donc, sur nos manifestations, il y aura une allusion. Il y aura peut-être des affiches déjà des Jeux olympiques qui viennent de se dérouler. Sachant que je pense qu'on va travailler sur le 13 septembre 2017, où ce sera le moment où le choix de la ville sera effectué. Mais tout au long de l'année, on va parler de l'Olympisme. Nos activités seront tournées autour des valeurs de l'Olympisme et de montrer que ce qui se passe, ce qui est mis en avant quelquefois sur des manifestations qui est des actions négatives, à côté, il y a beaucoup d'actions positives. Et en ce moment, ce sont les Jeux paralympiques. Quand on voit un ado de 16 ans, le Français Théo Curin, faire de la natation alors qu'il est amputé des deux bras, des deux jambes, quelle leçon ça donne aux enfants? Je crois que c'est une leçon de la vie, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un tel handicap et qui quand même se bat pour s'en sortir par la pratique sportive, donc je dirais qu'on n'a pas de raison de ne pas réussir quand on est bien dans son corps et dans sa tête. Donc, et c'est vrai que ces Jeux paralympiques, ce qu'on peut un petit peu regretter, c'est la faible médiatisation de ces paralympiques par rapport aux Jeux olympiques valides. Mais bon, même si France Télévisions a mis le paquet cette année sur ces Jeux paralympiques, c'est pas suivi globalement par d'autres médias. Globalement par d'autres, c'est toujours un petit peu le côté laissé de côté. Alors quand même, ils ont, je dirais, quelquefois plus de mérite. Et on a même vu, je crois, avant-hier... Le 1500 mètres qui allait plus vite. Quelqu'un de tennis de table qui jouait le tennis de table en mettant la raquette dans sa bouche. Et il faisait le service avec ses pieds. Et j'ai vu que le 1500 mètres allait plus vite chez les handicapés que chez les valides. Voilà. Pour les élèves handicapés chez nous à La Réunion, qu'est-ce qui est prévu pour la journée du sport scolaire et comment le reste de l'année ils peuvent pratiquer un sport? Alors, de toute façon, au niveau de l'UCEP, on intègre les enfants porteurs d'handicap dans nos manifestations. Lorsqu'on sait que les enfants vont venir, ils ont un handicap, il y a des ateliers spécifiques et c'est l'occasion aussi de mettre des enfants à contribution pour accompagner ces enfants porteurs d'handicap. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, la journée du sport scolaire au niveau de l'UCEP, on a voulu mettre en avant un peu ce qui fait la spécificité, les spécificités de l'UCEP. Avant tout, c'est la responsabilisation, mais sur les 5 sites, donc sur Saint-Benoît, par exemple, on va mettre le sport, l'UCEP et la santé. Sur Saint-Denis, ça va être responsabilisation des enfants et sport innovant. Donc, on veut faire toucher aux enfants différentes pratiques sportives, mais des choses qu'ils connaissent un peu moins, le spinminton, le kinball, le chukball. Ensuite, sur l'Ambrakis au port, nous aurons les enfants avec les pratiques sportives, le développement durable. Sur Saint-Leu, ça va être l'athlétisme et la responsabilisation des enfants. Et justement, à Saint-Pierre, au Tampon, dans le sud, ce sera le sport et les enfants porteurs d'handicap, où là, on aura un partenariat avec des associations d'handicapés sur le Tampon, et les enfants vont faire des ateliers valides et handicapés feront les mêmes types d'activités. Et au total, plus de 10 000 jeunes qui vont participer aux différentes actions. Le but, c'est quoi? D'abord, de leur rappeler l'importance de pratiquer régulièrement une activité physique? Oui, le but, c'est de faire pratiquer du sport, parce que c'est bien. Un enfant qui fait du sport, il va réussir aussi au niveau scolaire, ce sera plus agréable pour lui. De faire connaître nos pratiques, puisque souvent, c'est un peu méconnu. Mais surtout, l'idée, c'est de dire, avec le sport, l'enfant va bien. Et puis, permettre aussi aux enfants de pratiquer des sports auxquels ils n'ont encore jamais touché. Avec quel objectif? L'objectif pour nous, pour que l'enfant puisse choisir, je dirais à 14-15 ans, d'aller dans une pratique sportive, il faut qu'il ait eu connaissance de ce sport. Qu'il ne le fasse pas par mimétisme ou bien qu'il le fasse pas parce que les parents veulent qu'il soit. Mais en faisant une pratique sportive, je dirais que autant sport collectif individuel, ça lui permet de se situer dans l'espace et de se situer par rapport aux autres. Je dis toujours qu'un enfant qui ne fait que du foot toute sa vie, il est quelque part handicapé des mains lorsqu'il va faire du hand parce qu'il n'a pas appris à utiliser ses mains comme on le conçoit. Et vice-versa. Et vice-versa. Et donc, je pense que si on veut choisir, il faut avoir goûté. Tout à l'heure, on parlait de repas. Il y en a qui disaient qu'ils terminaient leurs assiettes et qu'ils ne laissaient pas des restes au restaurant. Mais je dirais que on a un menu, mais pour savoir si ce plat est bon, on va le goûter. Et bien pour le sport, c'est la même chose. Il faut le goûter pour que l'enfant puisse se dire, à 14 ans, je veux faire de la gymnastique ou bien je veux faire de l'escalade. Il y a un sport qui combine tout ça, c'est le rugby, puisqu'on joue avec les pieds et avec les mains. Alors, il y a des sports individuels, le tennis, le judo, la boxe, les sports collectifs, rugby, hand, foot. Comment orienter les enfants vers ce qui va leur plaire? Moi, je pense qu'il faut qu'ils jouent les deux. Il faut qu'il fasse du sport individuel pour qu'il se mesure à lui-même par rapport, mais aussi d'un sport collectif parce que ça permet la socialisation et travailler par rapport aux autres. Je pense qu'il faut qu'il touche à tout et puis en fonction de sa personnalité, en fonction aussi de ses amis, parce que souvent c'est ça aussi qui l'amène à pratiquer du sport, c'est le copain qui fait ça, et puis il choisira. Mais je pense qu'il ne faut pas rester cantonné dans un type de sport, il faut même faire des sports peut-être d'extrême pour qu'il puisse être confronté à l'adversité, ce qui va l'aider aussi dans sa pratique sportive et dans sa pratique scolaire. Et puis on va parler rapidement argent aussi, parce que tous les sports demandent pas le même budget. Est-ce que ça, l'argent, ça peut être un frein pour pratiquer certaines disciplines et où trouver de l'aide pour financer une pratique sportive ? Oui, je pense que oui, c'est vrai que le sport, l'argent peut être un frein parce que ben il y a des s'il y a un choix et on le sent aussi hein, dans les municipalités lorsqu'il y a un problème financier de budget, c'est souvent sur le sport ou la culture qu'on réduit les subventions et on vit malheureusement la situation sur certaines communes de l'île où actuellement quelquefois on n'a plus du CEP parce que on n'a plus l'aide de la collectivité pour le transport des enfants. L'UCEP, c'est la rencontre sportive, il faut transporter et on a ce souci. Mais c'est vrai que les enfants aussi, au niveau de licence, il y a des pratiques sportives qui sont difficiles à payer. C'est pour ça que nous, on essaie de faire toucher. Alors, on dit souvent, par exemple, le golf, bon, ça coûte. Et c'est vrai que ça peut coûter par rapport au matériel. Mais nous, on amène des classes à un club de golf sur Saint-Gilles-Léo. Et si l'enfant accroche, quelquefois, il y a des aides des collectivités, le CCAS, et pour pouvoir aider à payer sa licence s'il veut continuer plus tard. Thierry Grimaud, merci de nous avoir rendu visite et très bonne journée du sport scolaire. Merci. Merci à vous Thierry Grimaud, délégué départemental de l'UCEP. L'Inforoute et le journal juste après avec Cécile Thomas. D'ici là, c'est Benabar à la campagne. Bon réveil. À la campagne, il y a toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air. À la campagne, on se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoires. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on est citadin. À la campagne, on demande aux paysans le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique. Un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester. Quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés. La qualité de vie et le rythme des saisons. À la campagne. À la campagne, il n'y a peut-être pas d'embouteillage, mais ce n'est pas le cas du réseau routier le matin à La Réunion. Yves, et en plus, un accident 22e kilomètre à la plaine des Cafres. Oui, alors hier, c'était avant la station à la sortie de la plaine des Cafres, c'était après la station, donc la sortie de la plaine des Cafres toujours, vers l'aire de pique-nique. Donc, nouvel accident, pas plus de précision que ça. Attention, prudent, ça fait deux en deux jours, hein, donc à ce niveau. Attention également pour ceux qui sont allés au volcan, qui rentrent fatigués après une nuit, c'est déjà arrivé. On a eu deux accidents hier, deux pertes de contrôle dans la nuit, hier matin, suite justement à des visites tardives et avec nuit blanche quasiment. Voilà, ça la fatigue. La circulation avec de bonnes nouvelles, on va reparler de Saint-Leu dans un instant parce que les fêtes de la Salette se préparent et déjà la rue haute est fermée puisqu'elle a l'installation des manèges et de la fête foraine. La circulation, la bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours à l'échange de Tatocaillou, donc ça c'est plutôt bien, mais le front de mer de Saint-Paul est plutôt roulant, en tout cas entre Saint-Gilles et le Cap Laoussé. Et l'autre bonne nouvelle, c'est la route du littoral, il y a quasiment plus de ralentissement. C'est un petit peu dense vers le virage du Gouffre, mais après vous êtes ralenti à l'entrée du tunnel du Cap Bernard. Ça coince toujours sur le pont Vinson, les tranchées et toute l'entrée est. Attention, donc fête de la Salette qui se prépare, il y aura des fermetures, alors c'est fermé jusqu'au 25 en deux parties, je vous en reparle tout à l'heure. Merci, va tout à l'heure, 7h30 sur la première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Le gîte du volcan va disparaître pour laisser place à un éco-gîte, un hébergement plus moderne pour accueillir les randonneurs. C'est un projet dévoilé ces derniers jours, en même temps que celui portant sur un éco-lodge qui accueillera une clientèle moins sac à dos. 185 postes en job dating, c'était hier à Bras-Panon. Objectif, faire se rencontrer entreprises et candidats à l'alternance. Les contrats doivent être signés avant le 15 novembre prochain. À Mayotte, c'est les fonctionnaires dans la rue. Ils demandent à l'État de s'intéresser à leur situation. Mayotte est devenue département et le traitement de ses fonctionnaires doit évoluer. Reportage sur place. Et puis le volcan en éruption, vu du ciel, en hélicoptère ou en ULM, ça séduit les Réunionnais et les touristes. On y revient à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, nous vous proposons aujourd'hui d'en savoir plus sur Marie Porte du Ciel. Rappelez-vous, en décembre l'an dernier, une famille du tampon était interpellée et écrouée. Le père, un ancien policier de 73 ans, sa femme et leurs enfants sont soupçonnés d'avoir extorqué des centaines de milliers d'euros aux adeptes du groupe de prière qu'ils ont fondé. L'évêché de la Réunion avait à plusieurs reprises mis en garde contre l'emprise sectaire du groupe Marie Porte du Ciel. Plusieurs plaintes avaient été déposées en 2013. Le présumé gourou Augustin Valencourt et ses proches ont finalement été mis en examen pour abus de faiblesse et blanchiment aggravé. Nous vous proposons donc ce mercredi d'écouter le témoignage d'un ancien adepte. Il a passé plus de 10 ans au sein du groupe de prière, 3 ans après avoir quitté la secte. Il se livre au micro de Daniel Dambreville. Par exemple, on s'est endormi sur une prière, c'est pas parce qu'on était fatigué, parce que c'est le mal qui nous a défendu de faire notre prière, parce qu'on s'est endormi. Après, un petit exemple simple, on roulait sur la route et ma galée avait été fêlée. Non, c'était même pas galée, c'était un pigeon. Tout de suite, il fallait aller là-haut, voilà, c'est le mal qui a. C'est pas un pigeon, hein, c'est le mal qui a envoyé ce pigeon pour taper contre ma vitre, pour me faire un accident. Tout était manifesté. Voilà, pas du mal, voilà. Et donc, du coup, on s'y prend. Effectivement, on s'y prend. J'ai joué les jeux, il faut dire. J'ai acheté les statuettes parce qu'il fallait prendre, parce qu'on a eu des problèmes personnels, tout le monde a des soucis. De toute façon, la vie n'est pas tout. Mais voilà, lui il joue là-dessus. Et beaucoup sur les médias aussi, c'est-à-dire les actualités. C'est-à-dire qu'il y a un truc de la actualité, un feu ou un attentat, c'est tout ce moment, ben, si là, il va dire ah, il y a un attentat bientôt il y aura un à La Réunion, donc protégez-vous. Dans les coulisses de Marie Porte du Ciel, le témoignage de cet ancien adepte a retrouvé dans son intégralité ce soir à 18h15 sur Réunion Première, un magazine de la rédaction radio signé Daniel Dambreville. Cette information confirmée par un pompier ce matin, nous vous l'annoncions à 7h. Une femme est activement recherchée au volcan depuis hier soir. Elle était partie voir l'éruption avec un groupe. De retour au parking, les autres membres se sont rendus compte qu'elle manquait à l'appel. Ils ont lancé l'alerte. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Soyez prudents sur place. Le brouillard fait perdre ses repères. Ne vous éloignez pas des sentiers. On reste du côté du volcan avec les projets d'hébergement près du piton de la Fournaise. Le comité d'orientation stratégique du tourisme sur la région a présenté plus précisément ses projets d'éco-gîte et d'éco-lodge qui visent deux clientèles très différentes. L'éco-gîte va remplacer le gîte du volcan construit au début des années 60. Début des travaux prévus dans un an pour une livraison courant 2019. Autre projet encore en phase d'étude, lui, l'éco-lodge dont les contours restent flous. Pour Michel Courteau du département, on en saura plus un peu au moment de l'appel à projet. Ce sera le résultat de l'appel à projet et donc la réflexion et l'expérience des porteurs de projet qui permettra d'illustrer ce qu'est ou ce que serait un futur écologe au volcan. Ce que l'on sait en comparant les différents écologes sur Terre, c'est qu'il n'y a pas d'image unique d'un écologe. Il n'y a pas de référence unique d'un écologe, si ce n'est que tous les écologes ont des caractéristiques, des objectifs et des ambitions à caractère environnemental, à caractère paysager, à caractère patrimonial, à caractère énergétique et à caractère d'insertion sociale qui sont exceptionnels. C'est tout ce qu'on sait. Donc on fixe des objectifs et c'est les porteurs de projets qui nous fourniront des images et des réalisations possibles. Des propos recueillis par Johan Adama Dorassi. C'est souvent un casse-tête pour les apprentis et les candidats à l'alternance trouver une entreprise pour les accueillir le temps de leur formation. C'est en ce moment la chasse au contrat et pour satisfaire employeurs et candidats. La mission locale de l'Est les a réunis hier dans un même endroit. Le rendez-vous était pris sur le champ de foire de Bras-Panon. 185 emplois étaient à prendre au cours d'un grand job dating. Certaines offres peinent à trouver preneur. Joséphine Mardaille est la directrice du pôle emploi de Saint-Benoît. Vous avez aujourd'hui du mal à recruter dans la boucherie charcuterie parce qu'il faut se lever de bonne heure. Et par rapport à l'Est, le centre de formation est sur Sainte-Clotilde. Donc après, il faut se déplacer. Dans la boulangerie pâtisserie, c'est pareil. C'est des métiers où il faut se lever très tôt et être au fourneau. Donc les jeunes, une fois, deux fois, il est arrivé que nous soyons plutôt en train de les appeler le matin pour leur dire n'oublie pas de te réveiller pour aller travailler parce qu'on a du mal à recruter. Vous avez le métier de coiffeur, il y a des difficultés de recrutement, des métiers comme poissonnier, et dans le bâtiment aussi on commence à avoir du mal à recruter parce que c'est un peu pénible ou il faut se lever tôt. En fait c'est surtout se lever tôt qui pose difficulté à la réunion. Ah, ça pose problème de se lever tôt. Des propos recueillis par Olivier Delarichaudy. Notez que la date limite pour la signature d'un contrat en alternance a été fixée au 15 novembre. 7h36 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. À Mayotte, c'est la rentrée sociale. L'intersyndicale de la fonction publique est une fois encore descendue dans la rue hier pour une mobilisation générale des services. Elle réclame la prise en compte de l'ancienneté. Selon les syndicats, l'État traîne à trouver des solutions pour l'ensemble des fonctionnaires. D'où cet appel hier. Ils étaient une centaine rassemblés devant le vice-rectorat avant de défiler vers la place de la République. Le reportage sur place d'Abdoulah Damala. Ils s'étaient donné rendez-vous vers 8h devant le vice-rectorat. Vers 9h30, ils étaient une centaine à effectuer une marche avec un premier arrêt à la préfecture. Une délégation composée de 10 membres sera reçue. En attendant, les autres grévistes continuent la manifestation vers la place de la République, causant au passage quelques embouteillages. Pour Rivo Rakotondavelo, le secrétaire départemental du SNIPP-FSU, l'appel à la grève a été entendu. Aujourd'hui, le taux de grévistes est important, très important, avec plus de 55% de grévistes et un nombre impressionnant d'écoles fermées, plus d'une cinquantaine d'écoles fermées. Donc effectivement, on peut se dire que même si dans la manifestation il n'y a pas le nombre de manifestants qu'on souhaite, l'appel à la grève dans le premier degré a été très bien suivi. Dans le cortège, d'autres agents issus d'autres fonctions publiques. Echati Abdallah, Sisma CFDT Santé. Il y a des agents qui sont concernés, qui ont fait 20 ans de service ou bien 35 ans de service et ils ne sont pas tous reconnus. En fait, on a reconnu la moitié ou bien 7 ans de service. Les autres, on les a mis dans un cas, je pense. Donc, ça nous concerne tout le monde. Après la réunion à la préfecture, l'Assemblée générale va décider de la suite à donner à ce mouvement. Un reportage de nos confrères de Mayotte Première. Vous qui avez envoyé votre photo de petit déjeuner à grand matin, avez-vous fini votre assiette? Est-ce qu'il vous arrive au restaurant de demander un doggy bag ou une barquette pour emporter les restes de votre repas? L'association Jette Plus aimerait bien que cela devienne une habitude. À l'occasion de la Semaine du Goût, l'association met en place une opération dans 3 restaurants. Vous pourrez repartir la semaine prochaine avec ce que vous n'avez pas mangé. On vous le proposera pour vous y faire penser. L'association envisage aussi de s'intéresser au gaspillage dans les grandes surfaces et d'autres endroits. Philippe Costille est le président de l'association Jette Plus. Derrière l'anti-gaspillage alimentaire, vous pouvez voir l'ombrage des cantines scolaires, de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire. Et je tiens à souligner qu'il n'y a absolument aucun jugement à apporter sur ces entités-là, sachant qu'on est dans une société de consommation et qu'on est tous entraînés, on est tous responsables de ce gâchis alimentaire. Je fais une rapide parenthèse, qui n'a pas dans son frigo une tomate ou un légume qu'il va jeter parce que flétri, qu'il a laissé flétrir. Donc on est tous responsables et tous incriminables, chacun à son niveau. Alors il est évident que dans le domaine d'une grande distribution, les choses sont beaucoup plus visibles et flagrante. Donc il n'y a pas de critique à apporter. On est tous acteurs de cette société de consommation. C'est donc un partenariat de tous et une action de tous. Et bien évidemment, ces secteurs-là sont concernés par un partenariat qui va se faire avec le temps sur l'anti-gaspillage. Philippe Costi, le président de l'association Jette Plus au micro de Johan Adama Dorassi. On parlait du volcan au début de ce journal, on y revient avec l'engouement pour les survols du Piton de la Fournaise pour voir l'éruption au plus près. En hélicoptère, comptez environ 230€ pour 40 minutes de bonheur, un petit luxe que s'offrent beaucoup de Réunionnais. Du côté des ULM, on fait le plein avec les touristes. Patrick Belsor est pilote chez ULM Air Aventure. Il y a pas mal de touristes qui sont arrivés sur l'île, comme chaque année à partir du mois de septembre. Et en effet, ils profitent de l'éruption pour voir ça un petit peu du haut avec nous. Donc un peu d'hélicoptère et puis pas mal de survol en ULM en ce moment, en effet. Puis depuis hier soir, le téléphone sonne très régulièrement, on va dire. La plupart de nos clients sont des touristes qui profitent de l'éruption pour faire un survol en plus des activités habituelles. À partir du moment où on fait le circuit du volcan, il y a un circuit qui ne fait que le volcan et là on en profite pour tourner un petit peu plus autour de l'éruption et ça nous fait modifier un petit peu les trajectoires, mais non, il n'y a pas de vol spécifique éruption, quoi. C'est le volcan et puis voilà. Des propos recueillis par Thierry Chapuis. Et puis donc, ce rappel, imprudence au volcan. Il y a une femme qui est actuellement recherchée. Elle a été séparée du reste du groupe avec lequel elle se trouvait hier soir. Et voilà. C'est dommage, effectivement. Il faut faire très attention. Oui, le spectacle est beau, mais dangereux aussi. Merci Cécile. 7h40 sur la première. Michael, côté ciel pour aujourd'hui. Mais le soleil tente de s'imposer sur le département, ouais. Sauf que mais les nuages sont bien présents, hein, sur le sud notamment. Le ciel va se dégager sur les temps salés, Saint-Pierre, Saint-Rose, Saint-Philippe. On va retrouver des éclaircies et globalement, la matinée devrait se passer sous les éclaircies. Après, cet après-midi, ça sera plus nuageux, avec sur le nord et le nord-ouest, notamment entre la Possession et Saint-Denis, et sur Salazie, un peu plus de grisaille. Une grisaille qui pourra apporter quelques averses. Le littoral, lui, conservera un bel ensoleillement. Et sur le volcan, normalement, on pourrait voir l'éruption du piton de la Fournaise. En toute sécurité, on l'espère. Faites attention, comme vous l'a dit Cécile, quand vous allez la voir, cette éruption, mais avec du vent par contre. Hein, 50 km/h sur le piton de la Fournaise, 60 à 70 sur Saint-Denis et Saint-Pierre, un vent qui remontera jusqu'à la pointe aux Selles et que l'on ressentira aussi de l'autre côté, au piton Sainte-Rose. Autant vous dire que la sensation de fraîcheur sera bien présente et les températures, bah, fraîches, encore une fois, hein, pour ce mois de septembre, elles ont du mal à décoller. Températures qui n'atteindront pas plus de 26 degrés sur Saint-Gilles, 25 sur le chef-lieu. Et dans l'intérieur, 19 à Sillaos et 15 petits degrés à la Plaine des Cafres. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. 910 fans. Oui. 910 fans sur Facebook. C'est bien, c'est un bon début, On a envie d'aller vers le millier, puis même de dépasser le millier. Alors ce qui est bien, c'est que quand vous inscrivez sur la page Facebook, quand vous êtes parmi nous, eh bien vous pouvez, vous, poster vos photos de petit déjeuner qui vous rapportent des cadeaux. Oui, comme des invitations pour aller au cinéma aujourd'hui, mercredi, nouveau film. On vous propose deux places pour aller voir War Dogs. Et puis sinon, évidemment, tous ceux qui participent, eh bien, obligatoirement, tirage au sort pour tout le monde, vendredi, avec à la clé votre croisière pour deux personnes sur un catamaran. Magnifique, tout ça, bah vous oui. Le gagnez en vous ajoutant comme fan sur Facebook. On veut vous voir plus nombreux, hein, sur et en postant vos photos de communauté. Petit déjeuner, ouais, mais il faut se dépêcher là, hein. Il y en a plein qui l'ont fait depuis chaud, ce matin, hein. Grégory, mmh. Anne-Lise, et puis notre boss qui a posté encore une fois, et le petit déjeuner est copié, hein, est copieux. Un bon petit sauté, saucisse de volaille, les fruits et tout ça, quoi. Mmh. Alors, notre boss, encore une fois, on vous rappelle ce qu'on vous avait dit la dernière fois. On aimerait bien être invité, hein, toute la communauté Grand Matin, parce qu'apparemment, il y a de quoi bouffer. Bah oui, tant mieux. Il y a de quoi manger. 7h43 sur Première, on va sur la route. On rejoint Yves. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. C'est à vous, Yves. Il y a de la gêne dans la circulation, hein, suite à cette perte de contrôle au 22e, donc attention au-dessus de la plaine des Cafres en redescendant vers le tampon. Alors on n'a pas de notion de gravité, semble-t-il, sans trop de gravité justement, donc plus des dégâts matériels. Attention, prudence quand même, vous qui circulez sur cette partie haute de la RN3. Circulation à peu près correcte, hein, puisque les ralentissements après l'échangeur de plateau caillou, toujours donc plutôt correctement sur la route littorale, ça se passe juste avant les potences pour le début des zones ralenties, et la circulation toujours un peu coincée sur le pont Vintane et à l'entrée est de Saint-Denis, il n'y avait pas encore trop de difficultés sur l'Ancastel. Le Saint-Jacques de Compostelle de La Réunion, vous le savez, c'est pour la fête de la salade, il n'y a pas d'autre événement, il peut y avoir donc un déplacement en masse comme celui qui va se faire samedi soir, ce sont les fameux pèlerins de Saint-Leu, donc les pèlerins qui vont partir de Saint-Louis. Alors c'est hyper encadré, hein, parce qu'il y a dans la nuit de samedi à dimanche, en partant donc vers 20h30 samedi soir de Saint-Louis, ils vont donc emprunter l'ancienne route nationale et toute la RNAA pour arriver donc à Saint-Leu vers entre 1h et 3h du matin, sachant que ça s'étale sur près de 10 km parce qu'ils partent par groupe de 50, c'est très encadré avec des médecins, etc., des signaleurs, et donc 60 groupes de 50 personnes, ça fait des groupes de personnes donc sur 10 km, ça sera pour samedi soir. Attention à la fête de la salette, donc qui se déroulera donc le 19 bien entendu, mais avec des contraintes de circulation, déviation, notamment dimanche, lundi et la semaine prochaine également, puisque la fête pour le troisième âge, ça sera donc réalisé le 25 spécialement pour eux. Donc attention à ces contraintes pour cette année du côté de Saint-Leu. Très bonne route. Rendez-vous avant 8h, il va tout à l'heure. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et dans un instant, la question, pas si utile, mais quand même. Quand même. Ah bah oui, cette fameuse question, pourquoi dit-on santé quand on trinque? Tu t'es posé la question, toi ? C'est une sacrée question, ça, dis donc. C'est important. Enfin... Pourquoi dit-on santé quand on trinque ? Eh bien, vous saurez tout à l'heure. Il y a une réponse, mon cher Fred. Et tu l'as trouvée, Jamy. À tout de suite, juste après le dernier Benjam dans toute la Réunion. Bon réveil à tous. C'est perdu d'avance. Postez votre photo. Postez votre photo petit déjeuner. Hein, on vous attend. Il y a des cadeaux à gagner. À tout de suite. On est perdu. Mi connais mes frères, y'a où mes souliers debout assises. Moi la pas vilaire ici, l'état risqué à moi. Mais le temps lui compté, alors s'il vous plaît, interromps pas moi. Plaisir tout pas Catherine, retiens à où. Mais avant tout, j'espère qu'on va pardonner à moi. Le mal est déjà fait. Il tente pas pour moi aller, mais. Rappelle à où le soin t'es assise dans le sofa. T'es pour demander à nous pourquoi nous les commandes. Quand bon Dieu va décider de vivre un coup nous étoiles. Demain sûrement on va voir mon tête dans le journal. Mais qu'on est en regardant au ticket on va faire mal. Le monde va causer net avant mal par la moi. Tu oublies écoute pas toute la part toute ça fait l'huile. Puis t'es vaisant nous demain. On mène à où loin. Si ça prend un autre sommet. Mais à où pas continuer pour moi. Noyez pas dans notre chagrin. Toute la faute laisse moi. Il gagne puis fait rien pour moi. Mais où peut continuer. Où laissera pas où aller. Même si mes sera finalé. S'il vous plaît, continuez pour nous deux. Et qu'on est on a trouvé, s'il vous plaît, presse pas où. On laissera pas où aller. Même si mes sera finalé. Mais si vous m'a continué veillé. Moi, autant m'attendre, monsieur, tout presse pas où. Presse pas où. Presse pas où. Presse pas où. Va coincer la porte. Va poser à où est ta question. Va fouiller dans la case. M'y fait peur à où. Il fait mal à moi. M'y désolé qu'a fric mal à mettre à où dans l'embarras. M'y n'avait m'a dit où à nous avance dans le fil noir. M'y devait un oiseau mais la transforme en poussement. Et c'est moi les pilas. M'y tient vraiment à zénou. T'as fait une esquise à moi. M'y devait dans la où est notre la ville te mérite. M'y devait faire comme nous dénoue tes profites. Mais des bébés ça bien. Et puis avec le temps minorise au moins notre main. Si vous êtes perdu, on va tenter d'en trouver le chemin avec vous, hein, vous inquiétez pas. Enfin, bon, on essaye, hein. Un grand matin, on essaye jusqu'à 8h. Isa, on essaye. Bah oui, enfin bon, après on ne garantit pas le résultat. Benjam, perdu d'avance. C'est l'heure de la question, pas si utile, mais quand même. Alors, pourquoi dit-on santé quand on trinque? C'est ça la question. Vous êtes forcément posé la question un jour, ou pas. C'est pour ça que c'est la question pas si utile, mais quand même. Lorsqu'on trinque, lors d'un apéro, on a l'habitude de dire santé. Oui, ou chin chin. Ou cheers. Cheers en anglais. Cheers aussi. Enfin, pas ici, hein, forcément. Mais ne dis pas si cheers. Si vous allez à l'étranger. Cheers. Chin chin. Alors, non ou chin chin. Oui, c'est ça. Comme les lunettes. Oui, on dit dans les yeux. On se regarde dans les yeux. Dans les yeux, c'est important. Alors, pourquoi le dit-on santé en trinquant? Parce que boire de l'alcool, tout en souhaitant une bonne santé, c'est bizarre quand même. C'est quand ça. Même, quand on regarde l'alcool bien, hein. À consommer avec modération, bon. Bien sûr. Surtout si on abuse de la boisson. Et qu'on se retrouve mal le lendemain, c'est pas forcément idéal. Alors, l'abus d'alcool dangereux pour la santé, Isabelle nous a rappelé. Tati Isa a dit qu'il fallait consommer avec modération. Attention. Et c'est important. Alors, pourquoi, finalement? Eh bien, c'est une coutume qui remonte au Moyen-Âge. Oh. Tout comme l'habitude de cogner les verres entre eux, d'ailleurs. Fair-ting. À cette époque, on pensait que l'ivresse était bénéfique. Hein, en effet, si on buvait beaucoup d'alcool, eh bien, on vomissait. Nombreux sont déjà sont ceux à l'avoir déjà remarqué. Nos ancêtres croyaient que cela servait donc à purifier son corps. Voilà. Ah. Et grâce à ces boissons, on se débarrassait de toutes nos impuretés. Bien sûr. Et de plus en plus, après avoir bien bu, eh bien le sommeil est souvent très lourd. Ah bah et pour eux, ils pensaient que ce sommeil était réparateur, ce qui n'est pas forcément le cas. Maintenant, on le sait aujourd'hui. Alors cette tradition a perduré. Et c'est pour cela que nous la retrouvons encore de nos jours. Alors, néanmoins, désormais, on sait qu'il est préférable de consommer l'alcool sans excès. Avec modération. C'est mieux. Celui qui a bu ne boit pas. C'est important. Celui qui a bu ne boit pas. Celui qui a bu ne conduit pas. Ah oui, c'est mieux. Bon, c'est pas grave. Bon, celui qui veut pas boire, il boit pas non plus. Il est 7h50. Tout va bien. Vous êtes dans Grand Matin. Bienvenue à bord. Pour les 40 ans de l'auto, ce vendredi super loto exceptionnel de plus de 13 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Alors on en parlait justement hier, ça explose ces Galaxy Note 7 là. C'est vrai qu'on en parlait, ça peut être dangereux. Et ça explose encore, vous allez voir avec Pascal Rizeau dans Connect Première. Connect Première. Bonjour, $1 milliard, c'est l'estimation de ce que devrait coûter le fiasco du Samsung Galaxy Note 7. Vous savez, le téléphone qui fait boum et qui peut exploser ou brûler lorsqu'il est en charge. Le plus mauvais lancement d'un produit high-tech depuis des lustres. Les ventes sont suspendues et toutes les unités ont été rappelées par Samsung. Cela dit, certains n'y ont peut-être pas cru, comme cet Australien qui séjournait dans un hôtel lorsque son Note 7 a pris feu, occasionnant $1 200 de dégâts, 120 000 francs CFP. Malgré le fait qu'il y a eu déjà beaucoup de publicité autour du problème à ce moment-là, Samsung a promis de prendre à sa charge ces $1 200. Ce cas tout récent s'ajoute a priori, 35 autres cas connus en Corée du Sud, ou en tout cas, 35 cas rapportés. Cela dit, malgré ce rappel, on est libre de garder son téléphone à ses risques et périls. Un téléphone qui peut potentiellement en tout cas mettre en danger tout un tas de personnes autour de soi, par exemple si l'explosion a lieu dans un avion. Aussi, certaines compagnies australiennes, pour le moment, ont décidé d'interdire l'utilisation et la charge du Note 7 dans leurs appareils. C'est le cas de Qantas, de Jetstar et de Virgin Australia. En souhaitant donc évidemment la collaboration des propriétaires d'appareils à risque. Aux États-Unis aussi, il se pourrait que les batteries des Note 7 soient interdites de vol, seulement voilà, on est devant un problème administratif. Samsung a certes rappelé le Note 7, mais il faut aussi que l'US Consumer Product Safety Commission émette son avis pour que l'interdiction d'embarquer le smartphone soit officielle. En espérant que d'ici là, enfin bref, croisons les doigts. Et puis on annonce la fin de la suite logicielle OpenOffice. Ce n'est pas encore officiel, mais faute de développeurs, Oracle, qui avait racheté Sun Microsystems en 2009, prévoirait de l'abandonner. Le logiciel libre devrait donc tirer sa révérence et laisser le mastodonte du secteur, la suite Microsoft Office, seul ou presque. Word, Excel, PowerPoint ayant définitivement gagné la partie. Et le marché mondial. Belle journée. Merci Pascal Rizeau. Et si on jouait maintenant? Ah bah moi je dis que c'est une bonne idée, OT. Place de cinéma pour aller voir War Dogs. À présent, une question qui n'a toujours pas de réponse claire. Comment deux jeunes d'une vingtaine d'années ont-ils pu conclure un contrat de $300 millions avec le Pentagone? J'ai une super idée. On nous appelle des chiens de guerre. Des charognards qui font du fric grâce à la guerre sans jamais mettre un pied sur un champ de bataille. C'était péjoratif, mais nous, on a trouvé ça cool. Excusez-moi, pardon. C'est une urgence. Pardon, je vous passe devant, je suis américain. Allez, Ricka, ils sont fiers d'eux, hein. Comme souvent, deux jeunes de 20 ans qui vont se faire un business sur la guerre, sauf qu'ils vont rencontrer des individus très peu recommandables, ah là là, dont certains font partie du gouvernement américain, inspiré d'une histoire vraie. Ouais. War Dogs, à voir au cinéma, et qui va aller le voir ce film? Eh bien, c'est quelqu'un qui habite Salazie, Michael. Annelise. Bonjour, Annelise. Bonjour. Bonjour, Salazie. Ça va, un petit peu la grippe. Ah bah oui, ça s'entend. Mais, et vous n'êtes pas la seule, Annelise, parce que ici, dans les studios, il y en a pas mal qui ont la grippe. Hein. Ouais. Bah oui, arrive. Et du coup, vous avez pris une tisane. Voilà. Oui, tisane, pour commencer la journée. C'est bien. Annelise, qu'on avait dans le plateau du petit-déj ce matin, pour tout ça, tu ne l'as pas vu? Alors, m'énerver, manioc au sucre, Oui. Et ma tisane chaude, il y avait sirop de benjoin et géranium. Ah oui, ça on sirop a pas de benjoin et géranium. Ça, on n'a pas vu. Ah, dans la tasse, voilà. Directement. Voilà. Pas de café, pas de thé, mais le petit sirop. Une tisane bien chaude. Voilà, une petite tisane bien chaude. Assez léger, équilibré pour le matin. Voilà. Voilà. Ça suffit pour vous, Annelise, ça suffit pour gagner les places de cinéma. C'est ça, vous repartez avec vos deux invitations valables dans les salles du réseau Moret, Film Multiplex Ciné-Cambé de Saint-Paul, la Case de Saint-Denis, au Plaza de Saint-Louis, et vous participez au tirage au sort de vendredi. À la clé, peut-être en plus pour vous, eh bien, votre croisière à bord de Catapassion. Soignez-vous bien. Faut être en forme. Oui, faut être en forme ce week-end. Hein. Oui. Bisous, Annelise. Bisous à vous, à bientôt. Bye bye. Le petit morceau de manioc, ça m'a donné faim, moi, dis donc. On passe au zapping? Bon, si tu veux. Hein. Les goûts et les couleurs, eh bien, ça ne se discute pas. Yves Gruyé, ben, il a du mal aussi le matin, enfin. Comme tout le monde. La poêle d'épines dans mon jardin, la poêle. Comment ? Sauf sur les bougainvilliers, mais enfin j'y peux rien. Où habite toujours en l'air là-haut ? Aïe, maman ! C'est parti ! La paix ! La paix ! La paix ! Réunion première, bonsoir, allô ? Bonsoir ! Comment ça va ? Ça va bien ! Bon, super, la vie est belle ? Non, c'est molle. Où de vie est molle ? Ah oui. Ouais, je sais. Maman dit comme ça, la vie est plus belle avec un caf. Malbar. Bon, ben la vie peut être aussi belle avec un malbar. Non. Les piègues ? Oui. C'est un scandale. Jeanne de Sainte-Suzanne est avec nous. Jeanne, bonjour. Non, c'est Jeannot. Ça va. Ben. Tronçon du avenue François Mitterrand. Attention, grosse place. Comment ? Grosse place de. Trace de. Ben. Est-ce que vous êtes dans la tronçon là ? Tiens. Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ça, comme ci. Quand même. Oui, dans ma jambe, elle est épluchée. Comment on l'a fait de compte? Ah, ma tire un spar rappelé dessus, elle m'a coulé mince et elle l'a enlevé. Elle est bouchée. Hein, vous l'avez un pansement, tu colles à râler, elle arrache sa peau avec? Ouais. T'es bien, quelqu'un t'es la peau, il s'appelle avec pansement. C'est aillé ça? Ben. Bon, si vous ratez le zapping le matin, vous ratez pas Claudio entre 19h et 20h le soir, parce que c'est croustillant. Mais sinon, voilà. On a un bois. Ouais. Il prend quand même le bon. Salut Jackie. Bonjour à toutes, ça va bien. Oui, ça va. Il y a les gens ce matin, ils sont de bonne humeur, ils sont contents. Tout va bien. Salut la Réunion, on arrive avec la pâte cochon. Bah oui, parce qu'ils ont faim maintenant. Ouais, on va parler de la pâte cochon aujourd'hui. La pâte cochon. Avec Vincent Bataille, il est chef de cuisine d'un restaurant dans l'Ouest. On en parle aujourd'hui en civet, en masse salée, dans les pois. La pâte cochon dans l'assiette. Pour le bonheur des plus petits et des plus grands et des moyens. Ah, ça, c'est bien. Tout ça, c'est entre 8h et 10h dans la colle Jacques. À demain, Mika. À demain, Isa. Salut, Jackie. Yeah. Bonne journée, la Réunion. Big up. Alessia Cara assure la première. On rejoint Yves Gruyé tout de suite. Yves, un accident signalé à la ravine des Chèvres. Oui, avant la ravine des Chèvres en provenance de Sainte-Suzanne, moto, voiture, les secours en cours de trajet. Je ne suis pas sûr que ceux qui soient déjà arrivés. Attention, prudence, vous qui circulez. En arrivant de Sainte-Suzanne, alors forcément après cette zone d'accident, la circulation est un peu plus fluide. Pour entrer sur Saint-Denis en provenance de l'Est, pas de notion de gravité. Toujours pas d'autres nouvelles également du 20 au 22e kilomètre, donc la circulation qui se faisait quelque un peu de gêne donc à la sortie de la plaine des Cafres en redescendant vers le rond-point de Piton-Hyacinthe. La circulation dense sur la 4 voies du tampon mais roulante au niveau de Montcatrice, ça ralentit toujours à Plateau-Caillou. Avant les Potences en arrivant sur Saint-Denis, Pont-Vinçane est tranché toujours, également bien chargé. Je me trouve donc à l'entrée sud de Saint-Leu, et ben ça y est déjà des pèlerins qui sont en train d'arriver. Alors d'autres pèlerins, ça doit être ceux qui descendent de Piton-Saint-Leu. Donc il y a un groupe, peut-être une centaine de personnes, donc à rejoindre le centre-ville. Attention, ça commence, hein, donc comme vous le voyez, c'est un peu le Saint-Jacques de Compostelle de la Salette. Et il y en aura comme ça tout le long, et notamment dans la provenance du Nord, mais sans avoir autant de... d'aspect bien encadré comme ceux de, qui vont partir de Saint-Louis dès samedi soir. Bonne route, attention, prudence sur le réseau routier. Yves Gruyer pour l'information routière, il est 8h. C'est l'heure du journal présenté par Florent Marot. Bonjour Florent. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Un maître sommelier à La Réunion, Annie-Françoise Crouzet, quatrième née mondiale, participe en ce moment au Centaure à une masterclass 20. Objectif, former restaurateurs, hôteliers et cavistes réunionnais. L'éruption continue au volcan. Attention si vous allez voir le spectacle. Une femme est activement recherchée depuis hier soir. Elle était partie voir les coulées de lave avec un groupe d'amis. Elle sera fixée sur son sort aujourd'hui. Marie-Judy Olivier, jugée depuis hier aux assises pour le meurtre de son concubin. Pour l'instant, elle ni l'intention de tuer, parle de réflexe. Et puis c'est aujourd'hui la journée nationale du sport scolaire. Elle marque le coup d'envoi de l'année de l'olympisme, de l'école à l'université. On en parle à la fin de cette édition. Œnologie, pâtisserie et cocktail, ce sont les trois thèmes retenus par le Centaure pour ses masterclass. Les sessions sont prévues d'ici la fin de l'année et à chaque fois des pointures ont été invitées pour former les professionnels réunionnais. Pour